Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette quatrième séance de la deuxième partie de l'audience publique portant sur le projet minier Aurifère Canadienne Malartic. Bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent sur le web. Je suis Pierre Fortin, je préside cette commission d'enquête et je suis secondé par le commissaire Jacques Lauca. Nous allons poursuivre avec les présentations des mémoires par les participants. Le temps est parti est d'une quinzaine de minutes par présentation, avec le cas échéant quelques minutes pour échanger avec la commission. Il est possible d'exercer un droit de rectification des faits. Les personnes qui désirent faire une telle rectification doivent s'inscrire au registre à la table d'accueil. Vous pouvez aussi mettre fermer vos cellulaires pour avoir une bonne séance. Merci. Je rappelle que le droit de rectification ne peut être utilisé que pour corriger les faits ou les données, et non pour contester ou remettre en question une opinion exprimée par un participant. J'ai vérifié moi aussi. Il faut que je donne quand même l'exemple. Oui. Nous aimerions vous rappeler l'importance de maintenir un climat serein. Je demande votre collaboration pour éviter toute attitude méprisante et toute manifestation d'approbation ou de désapprobation. Aucun propos diffamatoire ne sera toléré au cours de l'audience. Je vous rappelle que les séances sont enregistrées. Maintenant, j'invite nos premiers interlocuteurs qui sont de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je me présente, Joanne Jean, je suis la rectrice à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et ce matin, je suis accompagnée par deux de mes collègues, M. Denis Bois, qui est directeur de l'unité de recherche en sciences et technologies minérales à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Bruno Bissière, qui est titulaire de la chaire UCAP Polytechnique en environnement et gestion des risques miniers, ainsi que de la chaire de recherche du Canada sur les sites miniers abandonnés. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, juste peut-être une petite introduction d'entrée de jeu. Vous mentionnez que je suis aussi ingénieur géologue, donc j'ai aussi une connaissance du secteur minier, comme mes deux collègues ici. Je dis souvent que le génie mène à tout dans mon emmené à la direction d'un établissement universitaire. Vous comprenez que j'ai quand même du turqué au sein de ma carte. Vous savez, une petite présentation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. On est bien entendu une institution vouée à la formation et à la recherche. Formation aux trois cycles universitaires, bien entendu. Au niveau de la recherche, on a fait du domaine des ressources naturelles, la gestion durable des ressources naturelles, un de nos créneaux particuliers de développement, ainsi que celui de toute la question du développement des petites collectivités. Quand on parle de développement des ressources naturelles pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ça veut bien entendu dire toute la question des ressources minières, des ressources forestières, des ressources hydriques et des ressources agricoles. Plus particulièrement au niveau ressources minières, on en a fait un créneau particulier qui nous distingue actuellement, pas seulement au niveau régional ou national, mais bien entendu au niveau international. On a actuellement quatre chaires de recherche, les deux qui sont dirigées par le professeur Bruno Bissière, bien entendu, et deux autres, dont une porte sur la gestion intégrée des rejets miniers avec le professeur Mastrofa-Pouzazoua, ainsi qu'une toute nouvelle chaire internationale dans le même domaine, c'est-à-dire la gestion intégrée des rejets miniers avec le Maroc, toujours aussi dirigée par le professeur Mastrofa-Pouzazoua. C'est donc vous dire jusqu'à quel point le secteur minier représente et est un élément important de notre mission, notamment au niveau de l'enseignement, mais aussi et beaucoup au niveau de la recherche. Vous allez voir, notre mémoire est relativement courte, donc on va avoir la chance peut-être d'échanger sur un certain nombre d'éléments. On se présente bien entendu à cette audience parce qu'il est de notre responsabilité d'examiner et d'étudier les éléments qui influencent la vie en Abitibi-Témiscamingue et aussi d'accompagner les personnes qui sont concernées par ces événements-là. Bien entendu, depuis l'annonce du projet de la Corporation minière Osisko, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue suit le projet et l'accompagne aussi à différents niveaux, dont on va faire un petit peu état ici ce matin. Bien entendu, l'envergure de ce projet-là est exceptionnelle. On en est très conscients et je pense que depuis le début des audiences aussi, là, on a pu se rendre compte de l'ampleur du projet mis de l'avant par la Corporation minière Osisko. Il crée des précédents, ça c'est très clair, il crée des précédents à Malartic, mais il en crée aussi dans la région et ça à plusieurs égards. Bien entendu, on se réjouit d'un certain côté, on se réjouit, on le mentionne dans notre mémoire, des approches préventives, modernes, ouvertes de ces dirigeants, de l'utilisation des technologies actuelles, sinon innovatrices à certains points de vue, on pourra y revenir, en raison, bien entendu, des précautions tant aux procédés industriels et en raison aussi des analyses d'impact. Mais en même temps qu'on note cet élément-là, il est évident qu'on s'en rend bien compte, c'est un fait, on ne maîtrise pas tous les effets de ce grand dérangement sur la population, les gens de Malartic, tout d'abord, et bien entendu aussi ceux de la région. On ne connaît pas encore de façon précise les effets du projet sur l'environnement, sur les effets du projet sur les eaux de surface, les eaux souterraines, sur les effets du projet sur la qualité de l'air, la qualité des sols, de même que l'avenir de la fosse, et encore aussi sur toute la question des parcs résidus miniers et des stériles. Il est aussi connu que les sautages, la stabilité des pentes, les ouvertures minières en période, les rejets miniers, l'air, l'eau, devront aussi faire l'objet du suivi actuel et futur. Il ne faut pas, je pense, s'étonner qu'il s'agisse des premiers projets miniers à susciter autant d'intérêt et de questions dans notre société. On est satisfait, bien entendu, d'apprendre, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez, d'apprendre que l'opération permettra de restaurer notamment un site minier abandonné qui appartient à l'État, qui est le site de l'Isthme Arctique. Et si vous le souhaitez, on pourra peut-être en reparler, de toute façon, d'un point de vue un peu plus technique tantôt. On trouve ça intéressant parce que, très certainement, ça va nous permettre d'atténuer, dans pour cet élément-là, l'empreinte de l'ancienne mine sur le territoire. Par ailleurs, on est très conscient que dans un contexte toujours changeant du prix des métaux, la nature même de l'industrie, compte tenu bien entendu de l'ampleur du projet, de la méthode actuelle de mise en garantie des fonds pour s'assurer que la méthode actuelle de mise en garantie des fonds pour s'assurer de la restauration nous semble risquée. On l'a lu notamment dans le rapport du vérificateur général, le constat qui avait été fait, c'est qu'il y avait 70% des fonds, ce qui s'est mis en spécifique que le système actuel, dans le fond, est plus ou moins efficient à ce niveau-là. Donc, il y a très certainement des approches, des façons de faire qu'on va devoir revoir à ce niveau-là. C'est dans ce sens-là qu'on mentionne de façon spécifique que c'est un élément qui nous semble. Voilà pourquoi, finalement, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue s'installe aux premières rangées, aux premières loges. D'une part, bien entendu, pour accompagner l'entreprise, accompagner les entrepreneurs, la ville, les groupes d'intérêt en accord ou en désaccord avec le projet. Et d'autre part, pour questionner et surtout pour apporter des réponses. Ça fait aussi partie de notre rôle. Peut-être un petit élément à vous mentionner aussi. Vous savez, l'Abitibi-Témiscamingue, on est une région minière. On l'était dans le passé, puis on va l'être encore dans le futur. Okay? Donc, dans cette perspective-là, comme société, comme collectivité, on souhaite jusqu'à maintenant se donner les moyens de développer en accord avec l'industrie, de développer cette industrie, en accord avec les industriels. C'est une des raisons pour laquelle, en Abitibi-Témiscamingue notamment, on a mis sous pied ce que vous avez peut-être entendu parler jusqu'à maintenant, ce qu'on a appelé notre créneau de l'urbaine souterraine avec l'organisateur qui est MISA, auquel, personnellement, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est appelée à collaborer à différents niveaux, moi-même, Denis et même Bruno. Il est évident que l'une des raisons avec lesquelles pour laquelle on a choisi comme institution d'intervenir de façon active dans cette stratégie-là, c'est qu'on souhaite évidemment, et c'est un peu dans cette perspective-là qu'on se situe pour l'université, on souhaite se donner les moyens de construire et de développer. On souhaite réussir à atténuer les effets, parce qu'il y a des effets négatifs, que ce soit les cycles haussiers ou les cycles baissiers qu'on observe au niveau du prix des métaux ou autres dans cette année, ou que ce soit encore le fait qu'une entreprise exploite une mine à ciel ouvert ou une mine souterraine, on sait très bien que la durée d'exploitation a un début et une fin. Puis lorsqu'au moment où il y a une fin, ben, il faut penser à autre chose comme collectivité, comme communauté. Les mines viennent, exploitent et repartent, mais nous, on reste. Okay? C'est donc dans cette perspective-là que l'université, avec les milieux, avec MISA, avec Technomines souterraines, avec l'ensemble des organismes de la région, on tente de se donner des outils pour assurer un développement plus durable à l'industrie, mais un développement plus durable surtout aux communautés. Et dans cette perspective-là, depuis, je dirais, dans l'ensemble de nos activités avec lesquelles l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue intervient. C'est sûr qu'il y a des sujets, quand on pense au projet, notamment le projet qu'on a sur la table actuellement, il y a des sujets plus sensibles que d'autres avec lesquels on doit travailler. Il y a bien entendu toute la question de la gestion des résidus miniers, toute la question du comportement des eaux souterraines, la santé et sécurité des travailleurs. L'UQAP, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, dans chacun de ces domaines-là, on possède une expertise qui est unique, qui est poussé et qui est reconnu aussi au niveau national, mais aussi au niveau international. Et on compte évidemment l'utiliser à bon escient aussi au niveau régional avec les entreprises concernées. Il y a aussi toute la question des questions plus sensibles au niveau au plan humain. Il y a bien entendu certains changements heureux, mais il y a aussi des changements plus traumatisants que le projet impose aux populations concernées. Il est sûr qu'on propose de les suivre, de les interpréter, d'accompagner, de trouver des solutions, d'accompagner les populations grâce notamment aux expertises qu'on a développées avec la chaire des jardins en développement des petites collectivités, ainsi qu'avec le laboratoire de recherche pour le soutien des communautés. Incidemment, nos chercheurs au sein de ces deux instances-là ont déjà commencé à travailler, ont déjà déposé des projets auprès de certaines instances pour non pas seulement observer, okay, mais surtout accompagner les gens et trouver les meilleures solutions à des problématiques possibles ou autres. Donc, c'est pas uniquement un observatoire. On n'est pas seulement là pour observer, mais c'est un des éléments, un des skills distinctifs de la chaire des jardins en développement des petites collectivités qu'on a mis sur le pied il y a déjà en 1993, qui est vraiment d'accompagner les communautés, les collectivités dans cette perspective-là. Du cap, bien entendu, on s'inscrit dans le projet de multiples façons. Personnellement, je siège au conseil d'administration du Fonds Espoir qui a été mis à la disposition de la communauté par le groupe Mini-Osisco. Afin, l'objectif, c'est d'assurer, bien entendu, que les fonds vont servir à la population malarticoise, bien entendu. Je dirais que c'est un premier pas dans la bonne direction. On est très heureux comme collectivité de voir cela mettre sur pied, d'autant plus que la compagnie n'a pas encore, l'entreprise en question n'est pas encore en production, n'a pas encore de revenus. Il est évident que, je le dis, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a évidemment d'autres pas qui vont devoir être franchis au fur et à mesure, effectivement, si le projet avance, au fur et à mesure de l'avancement de ce projet-là. De son côté, vous le savez peut-être, le secrétaire général de l'université préside aussi les travaux du groupe de consultation de la communauté, une entité tripartite là, qui s'occupe pour l'instant des gens, des personnes, des organismes qui sont notamment concernés par la délocalisation des occupants du secteur sud. Il y a aussi certains de nos professeurs chercheurs qui arrivent des entreprises ou encore qui travaillent avec des consultants ou autres, d'autres qui aussi conseillent des organismes environnementaux, des organismes de vie. On estime comme institution universitaire, comme organisme, comme membre d'une collectivité, on estime qu'il est de notre devoir de contribuer à ce projet-là ou à tous ces beaux projets, mais à ce projet-là à tous les niveaux. On est conscient qu'il est évident que notre université, compte tenu de son crédibilité, compte tenu de son ancrage dans le milieu, on doit aller plus loin dans nos expertises, on doit accompagner le milieu, on doit transférer notre expertise et les observations critiques développées par notre personnel. Parce que évidemment, il va y avoir, il y a déjà, il va continuer venant la poursuite du projet, il va continuer à avoir des changements importants dans la société malarticoise et dans la société régionale. Au plan social, nous essayons de bien documenter, bien entendu, les effets sur la qualité de vie ou la santé d'une population qui est en train de voir tout son univers transformé. On est bien conscient des blessures que ça peut que ça cause et que ça peut causer et que ça va très certainement continuer à causer. Dans le domaine des ressources hydriques souterraines, il va nous falloir mieux comprendre la dynamique de l'aquifère au niveau du roc et au niveau de l'aquifère, bien entendu, du fait de son impact sur l'approvisionnement en eau des citoyens. Et là aussi, on a développé une expertise comme institution universitaire en partenariat avec d'autres, bien entendu, avec d'autres institutions. Dans le domaine de la caractérisation des résidus, on va pousser notre expertise sur l'utilisation, bien entendu, des rejets intensifs que la corporation minière Osico compte mettre en œuvre. Enfin, on compte aussi apporter notre contribution à la formation des ingénieurs miniers, des experts en sciences d'environnement, des gestionnaires d'entreprises et de projets, des éducateurs, bien entendu, aussi, pour satisfaire les besoins d'un milieu en pleine croissance. Vous savez, il y a des mines qui s'exploitent depuis l'existence même de la Bitibi-Témiscamingue. Nous, on a 25 ans d'existence, vous savez, ça fait 40 ans qu'on offre des services universitaires dans la région. Et c'est cette année, la première année où on offre une première année de formation du bac en génie de mine. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, mais on réussit. Et on compte, bien entendu, continuer à former des experts avisés qui vont effectivement, par la suite, aider à développer cette industrie-là, à la développer ici en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi à exporter notre expertise ailleurs dans le monde. On va, donc, bref, transférer le développement de connaissances dans notre milieu, en appui, bien entendu, au milieu, en appui au projet, en appui aux populations. On va aussi exercer notre rôle de vigie, bien entendu, notre rôle critique, parce que c'est une fonction importante d'une institution comme la nôtre, tout au long des années, quand on est bien conscient et attentif aux questions qui sont soulevées, qui ont été soulevées depuis quelques semaines, depuis quelques mois ici, en Abitibi-Témiscamingue, ici aussi, aux auditions auxquelles on assiste au cours des derniers jours, des questions qui ont été soulevées, que ce soit par la coalition pour que le Québec ait une meilleure mine ou autre. On espère, bien entendu, apporter des réponses ou des solutions à plusieurs de ces préoccupations. Je conclue en vous remerciant. Dans ce cas-là, je vais conclure en vous remerciant. C'était cool, j'en ai ajouté, je crois. En vous remerciant de l'attention, bien entendu, vous portez la population locale et au milieu depuis le début des audiences. Ok, je disais ça parce que je voyais le temps filer et on aurait quelques questions à vous poser. Alors, vous nous avez tendu un peu une perche quand vous avez parlé de l'opération pour restaurer ces lignes, pour réduire l'empreinte environnementale. Mais ça, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous aviez des éléments additionnels. Qu'est-ce que vous vouliez faire valoir en particulier? Bien, je laisserai mon collègue Bruno, si vous permettez, y répondre de façon plus précise. Bruno Bichard, professeur de théâtre. Monsieur Bichard, monsieur le président. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, présentement, une option qui nous semble intéressante, et je pense qu'il est important de souligner, c'est que lorsqu'une nouvelle mine démarre, on devrait toujours se questionner, est-ce qu'il y a une empreinte existante sur le territoire qui pourrait être utilisée pour stocker les nouveaux revenus? Ainsi, on minimise les nouvelles empreintes sur le territoire. Et lorsque c'est fait d'une façon stratégique, on peut même restaurer l'ancien site et régler un problème qui est souvent la responsabilité de l'État en ce qui concerne les sites abandonnés. C'est ce qui était fait entre autres au site de Manitou avec le projet Gotex, la mine de la compagnie Agnico-Eagle, et c'est ce qui est proposé ici par la CISCO. Les détails, je ne veux pas entrer dans les détails, mais le concept d'utiliser une ancienne empreinte pour localiser les nouveaux revers et en profiter pour restaurer le site, pour nous, ça devrait être toujours favorisé. Et au niveau du point de vue du projet, pour nous, c'est un point très positif du projet, sans se prononcer sur les autres aspects. Mais pour nous, ça, c'est un aspect très positif. Évidemment, il y a des détails qu'il faut s'assurer. Et je pense qu'il y a des questions soulevées par différents intervenants. Mais le concept même, pour nous, doit être clair, c'est un concept qui est très positif d'un point de vue environnemental. Dans le sens, OK, j'ai très bien compris, merci. Monsieur Loca. Oui, dans le même sens, si le projet est accepté et qu'il y a une fosse, donc qui va être formée, quel intérêt voyez-vous? Donc, est-ce qu'il va dans la même direction en termes d'empreinte environnementale? Qu'est-ce que vous voyez comme usage potentiel de cette fosse-là? Par exemple, il est proposé, comme j'ai indiqué hier, dans le site d'impact, que ça puisse être utilisé pour y enfouir d'autres résidus miniers, par exemple. Alors, dans la même lignée là, de l'empreinte environnementale, vous verriez un intérêt à ce type d'utilisation-là de la fosse? Ah, c'est sûr que oui. Le concept est bon dans le cas de Dismalartic pour restaurer. Si éventuellement la fosse demeurait vide et puis qu'il y aurait une nouvelle mine qui opérerait dans des environs, il est clair que la fosse pour stocker d'autres revers, ce serait une option intéressante d'un point de vue environnemental. Ça limiterait une nouvelle empreinte sur le territoire. On utiliserait une empreinte qui est déjà existante. Évidemment, il y a des préoccupations qui pourraient se poser au niveau de la migration des contaminants. Est-ce que l'eau migre rapidement ou non, le responsable de la caractérisation du massif, etc. Mais de façon conceptuelle, ce serait certainement une approche très intéressante. Vous avez dit tantôt, madame, que vous intervenez sur les techniques de résidus miniers. Qu'est-ce que vous pensez de la technique des résidus épais? Ben, je vais y aller, puis Bruno pourra prendre au vol. La technique des résidus épais, c'est une technique qui s'est développée particulièrement pour réduire, entre autres, l'utilisation des digues importantes qui peuvent, elles, risquent d'amener des problèmes différents, des problèmes de stabilité. Et naturellement, l'approche qui est extrêmement valable, c'est l'approche qui, sans doute, va devoir être poursuivie ou sur laquelle on va devoir poursuivre. C'est une approche sur laquelle on travaille, d'ailleurs, pour différentes entreprises ici et ailleurs dans le monde. Donc, c'est une approche intéressante. Vous dites que c'est intéressant, mais que vous y travaillez. Oui, en fait, c'est toute une question de caractérisation de suivi. On fait des suivis sur la performance de ces matériaux-là. Bruno, si tu fais ça, la technique est est intéressante parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle limite la ségrégation articulaire. Donc, on a un empilement qui est plus homogène par rapport aux méthodes conventionnelles. Donc, on se retrouve avec des matériaux avec une homogénéité plus facile à restaurer habituellement. Bon, même faire de restauration graduelle, ce qui est difficile à faire avec des méthodes conventionnelles. C'est sûr qu'on minimise, on récupère davantage l'eau. Donc, pour ce qui se porte précis, on peut récupérer davantage l'eau dans l'usine. Donc, moins au niveau de la recirculation habituellement, c'est favorable. C'est sûr qu'on n'a pas de stabilité physique des digues. On n'a pas à construire des digues de retenue du même type. Actuellement, ce sont plus des digues, des bermes extérieures en forme de cône, et puis on construit des digues pour contenir les rejets, alors que normalement, il faut construire des digues pour proposer un matériau qui est très liquide et de l'eau. Donc, on n'a pas de stabilité géotechnique, c'est actuellement favorable. Et certains vont aussi amener le fait que l'empreinte est généralement minimisée, mais malgré que moi, ma perception, c'est que c'est plus du coup par là. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a encore des choses à connaître. On fait de la recherche sur ce domaine-là. On a écrit un papier en 2007 où on présentait les avantages et inconvénients, c'était publié dans la revue canadienne de géotechnique. On essayait de voir qu'est-ce qui doit être encore étudié. Et il est clair que dans le cas de SCO, c'était la meilleure option à prendre, étant donné les volumes de rejet qui sont prévus, et pour restaurer en même temps l'ancien site. À notre avis, c'est une approche qui était nettement privilégiée. Mais il reste que mettre ce type de rejet-là en climat nordique, il y a beaucoup d'expérience encore. Il y a sûrement d'un point de vue opérationnel des défis qui vont devoir être relevés par la compagnie. Mais les défis, à notre avis, ne sont pas suffisants pour empêcher d'appliquer la technologie. Ça demeure un défi, mais un défi qui est faisable puis qui devrait qui pour nous mérite d'être utilisé dans un contexte comme celui-là et même préférable. Un peu dans le même sens, mais peut-être un peu plus général, vous identifiez différents éléments pour lesquels l'état des connaissances où elles sont encore sensibles, à savoir qu'on n'a pas nécessairement toutes les réponses. Alors, ma question serait la suivante. Si on regarde ces problèmes-là sous l'angle de ce qu'on appelle le principe de précaution, vous savez que si vous dites, par exemple, qu'il y a des connaissances qui sont encore à acquérir, la question qui viendrait, ce serait à savoir, d'après vous, quels seraient les éléments que vous avez identifiés, que ce soit l'eau, les résidus, comme dans une liste ici, pour lesquels il faudrait avoir la connaissance a priori, autrement dit, qui serait essentiel à connaître pour prendre une décision, à savoir d'acceptabilité d'un projet. Autrement dit, comment est-ce que vous voyez, vous conciliez donc l'aspect question de connaissance, et est-ce que vous pourriez identifier des domaines pour lesquels il y a des a priori? On peut répéter. Oui, la question est claire, oui. qu'on a fait l'étude ou l'analyse à ce niveau-là, pour savoir si on était en mesure, est-ce qu'on peut penser que c'est suffisant, les connaissances sont suffisantes à ce moment-ci. Peut-être que c'est un a priori sur lequel on peut penser que c'est une information qu'on serait en mesure d'acquérir peut-être plus facilement, mais on n'a pas poussé cette réflexion-là. Ma question, c'est plus à signifier peut-être à savoir, dans votre compréhension du dossier, est-ce qu'il y a des éléments qui vous intéressent comme devant être. Non, il y a suffisamment connu, point de vue de ce niveau de connaissance, est-ce qu'il est suffisant pour qu'on puisse avancer ou si on doit attendre avant d'avancer? Autrement dit, c'est tout le même dilemme, à savoir, bon, on fait de la recherche, on a des questions à répondre. À un moment donné, ben, les gens veulent savoir, mais quand est-ce que je peux démarrer? Est-ce que je m'attends avant? Qu'est-ce qui est essentiel avant de pousser? Donc, c'est un peu dans ce sens-là ma question. Je pense que un des aspects clés qui doit être résolu rapidement, c'est sur le potentiel de contamination des eaux ou des rejets. Donc, ça, c'est déjà en cours. On a présenté lors des autres séances, donc le potentiel de génération d'acide. Bon, si on a des. parce que ça a beaucoup d'impact sur la façon dont on restaure éventuellement, ou la méthode de restauration qui est appliquée. Je pense que a priori, ces matériaux-là sont non problématiques. Je continue de penser, à partir de ce que je connais avec mon expérience, que je ne crois pas que ce soit des rejets qui soient nettement un générateur d'acide, même si je ne pense pas qu'il le soit. Mais on n'a pas les preuves encore, on doit procéder à des tests, et ça, c'est en cours. Et je pense que ça, c'est une des priorités, parce que ça a des impacts sur la façon dont éventuellement le plan de restauration discute. Et ça, c'est faisable. Et à mon avis, c'est la première étape. Pour ce qui est des autres aspects, je pense que ce qui est fait pour l'étape dans laquelle on est dans le projet, me semble acceptable. Je vois pas rien qui pour considérant qu'on n'est pas dans l'ingénierie de détail, ça semble être raisonnable de ce que j'ai vu. Donc, je ne vais pas. Je vois ça comme étant la première, l'étape peut-être la plus importante pour les autres, ça semble être selon les. Même que la question des eaux souterraines, notamment celle constituée à l'intérieur des Oscars, pour laquelle il y a très certainement une nécessité de bien caractériser, comme on le fait ailleurs, à d'autres endroits sur le territoire, de bien caractériser cette ressource-là pour savoir de quelle façon elle mine. De quelle façon elle se maintient, de bonne qualité. Donc, il y a très certainement quelques éléments de caractérisation qui devraient être faits, toute la question des eaux. Merci beaucoup. Maintenant, on passerait à notre prochain intervenant, la Société d'histoire de Malartic, s'il vous plaît. Bonjour, M. Poutin, M. Coca, madame. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Carole Saint-Jean. Je suis présidente de la Société du Sport de Malartic. Ça me fait plaisir, au nom de mon conseil d'administration, de vous présenter notre réflexion en lien avec la mémoire qu'on a déposée la semaine dernière. Pour vous en faire un cours. Ok. Alors, vous l'entendez un peu aussi. Ça va aller comme ça? Ça va, Mme Pau. C'est pour les besoins de la transcription. Ça va? Okay. Ça va. Est-ce que, mais là, je ne vois pas si le micro est ouvert. Il y a un témoin. Okay. C'est bon. Ah. Merci. Allez-y. Excusez-nous, madame. J'en prie. Pour vous rappeler les trois principaux objectifs qui ont guidé notre réflexion. D'abord, la société regroupe des personnes qui s'intéressent à l'histoire. Actuellement, nous avons 210 membres, dont 48 corporatifs. Pour une population de 3 500 habitants, c'est quand même intéressant de le noter. Il y a un intérêt. Notre deuxième objectif qui a guidé notre réflexion, c'est de répertorier et sauvegarder l'ensemble des ressources historiques se rattachant à l'histoire de Malartic. La Société d'histoire, ça collecte, ça accumule des archives photographiques, textuelles et autres, ça les traite et ça les diffuse. Dans l'ensemble, on pourrait, quand on parle d'ensemble de ressources, on pourrait élargir le concept et englober l'immobilier, l'architecture, le paysage. Mais je dis bien, on pourrait élargir le concept. Notre troisième objectif qui nous guide parmi ceux qui guident notre mission en général, c'est de sensibiliser les autorités à la conservation et à la restauration des biens patrimoniaux. Nous sommes une jeune société, nous avons 9 ans. Ce dernier objectif, c'est un objectif qu'on poursuit de longue haleine. Ça exige des ressources humaines et autres, et puis, il faut le dire, c'est un organisme sans but lucratif, donc là, on renforce sur le bénévolat, mais c'est une réalité, et les ressources nous ont fait défaut. Ils nous font encore défaut parfois, mais là, l'occasion se présente vraiment, et ressources ou pas, on se présente devant vous aujourd'hui. D'ailleurs, pour ce qui est de sensibiliser les autorités, on le fait plus activement, je dirais, 2 ans. Par exemple, c'est grâce à la vigilance de la société que des documents historiques vraiment qui remontaient à un déménagement qui a eu lieu déjà au début des années 40 ici, et qui sont aux archives de Québec, les confidentiels et tout et tout. Et on a pu sensibiliser la ville à la conservation de ce document-là qu'ils avaient. On a aussi pu intéresser la ville à notre participation à un fonds de documents qui a été créé en rapport avec le projet Orifère Canadien-Moloch. Et on est bien content de cette collaboration qui est en développement. Et récemment, un comité formé de nous, de la ville et de la corporation minière OSESCO a été formé par résolution municipale et pour étudier les projets de la société en rapport avec ce projet-là et d'autres. Alors voilà pour la sensibilisation qui a guidé notre section jusqu'à maintenant. Notre section est aussi guidée, bien sûr, par l'objet même de la société qui est intéressé par l'histoire de Malartic. Cette histoire-là est directement liée au développement minier et forestier. Ce sont les deux cœurs, si on veut, de Malartic. La cible de ses habitants, de ses infrastructures, bref, de son patrimoine en général. Nous sommes aussi intéressés par l'histoire de la Canadian Malartic Limited, Mines Limited, qui, vous savez sans doute, a été explorée dès 1923. Maintenant, placement actuel. C'est aussi le site principal de l'exploitation de ciel ouvert, sans oublier. Alors, bien sûr qu'on est très sensible à cette histoire-là, en particulier. Puis, on est finalement intéressé par les impacts patrimoniaux du projet minier. Et ces impacts-là sont les impacts immobiliers, si on veut, et qui ont été soustraits à l'étude. L'impact environnemental. Ce qui fait que, par rapport à cet objectif-là et par rapport à l'objet aussi de nos travaux, on est préoccupé par la perte. En gros, c'est ça. C'est une perte. On va vivre une perte d'édifice, on va vivre une perte de site et une perte de paysage. Vous voyez que je rappelle le contexte de cette intervention quand même, qui s'est tardé. Reconnaissons-le. Et on le fait maintenant, je l'ai évoqué tantôt. Mais ça reste que quand tout ça a commencé il y a quelques années, vous savez, l'or, c'est un affaire, très tentatif pour n'importe qui, et on était un peu sceptiques. On a l'habitude ici des explorations, et il y avait un certain scepticisme, une certaine incrédulité, et c'est sûr que quand les maisons commençaient à circuler, l'or, bon, on s'est essayé, ça va. On manquait de ressources aussi, encore une fois, pour monter aux barricades et dire on veut se regarder les bons. Et on pensait surtout que c'était la primauté du conseil municipal et de son comité consultatif en urbanisme de prendre, passez-moi le mot, le leadership de cette sensibilisation qu'il aurait fallu avoir à l'époque. À l'heure des charges, il faut dire que c'était modeste. Il y a des modestes moyens. Et parfois, les connaissances ne sont pas au rendez-vous. Mais je le dis en toute honnêteté et sans mépris aucun, même nous, on en apprend tous les jours. Mais devant le silence aussi notable de certains instances concernées, il y a quand même plusieurs ministères qui sont concernés aussi dans ces bâtiments-là. Là, on fait référence entre autres au sein du bâtiment institutionnel. Ben, nous, on s'est dit, bon, on y va. C'est dans notre mandat élargi, et puis allons-y. Mieux vaut tard que jamais. Parlons bien, nommons les biens culturels, si vous voulez, ou les éléments patrimoniaux qui concrètement seront perdus. Par exemple, le secteur sud, où vraiment l'essentiel se passe actuellement. Le déménagement, la démolition des bâtiments résidentiels, ça entraîne la disparition de ce site historique, s'il en est un, là, c'est celui-là. C'est le vieux Canadian Malartic, et c'est une partie du vieux Malartic. Je dis vieux, si vous voulez, en toute modestie, comme on va dire le vieux Québec, le vieux Munich maintenant. Bon. Chaque époque contribue à l'édification du patrimoine boîtier, et il y a là quelque chose qui, en tout cas, qui aurait peut-être fallu observer mieux. On a aussi perdu la rue de la Paix, telle qu'on la connaît. La démolition prévue des bâtiments scolaires, là, notre roi, dont celui-ci. Bon. Deux édifices de service, HLM et HSLP, ça va modifier profondément le paysage et ça va modifier la nature même de cette artère-là, qui est une artère historiquement très importante. Elle part de l'arrêt du Sibi, qui est l'artère principale, c'est-à-dire la circuit, c'est elle qui naît à la mine. Et ça a toujours été une rue rassembleuse à cause de la fonction scolaire, sociale, religieuse, il y avait trop d'églises, voilà. Bon, voilà, c'est un lieu historique, si on veut, en ce sens-là. Et finalement, le village de Norrie. C'est le village, les mines avaient un village. Alors, le village de Norrie, comment ça s'est édifié en 1937-1935, on ne le pense pas comme un élément historique, mais c'en est un. Quand on vient de Val-d'Or, de cette direction-là, c'est la première chose qu'on voit. On voit le château de Beau, on voit le Nouvellement, on voit Simat. Il en reste quelques-uns encore. Et on pense que ça mérite l'attention au point de vue historique. Ces sites-là font partie, Norrie compris, de notre paysage. Il faut nommer aussi l'impact historique. Il est moins palpable, il est plus subtil, il est absent par rapport à ce qu'on compare aux édifices, par exemple, qui est visible. Les villes, à notre point de vue, que ce soit au Québec ou ailleurs, les villes ont un devoir, et je dis ville avec un S, là, c'est ville au sens de collectivité, autorités et citoyens, les villes ont un devoir, pardonnez-moi, de conservation et de mémoire. Parce que le patrimoine, c'est une affaire de culture, c'est une affaire de valeur, c'est une affaire de racine, et c'est une affaire de savoir. C'est à travers ce patrimoine qu'on apprend qui on est, et quand on sait qui on est, on peut savoir où on va. Le patrimoine, c'est une affaire d'intégrité aussi. Du paysage et des sites. Finalement, le patrimoine, c'est un repère identitaire. Si vous me permettez, cet édifice 72 ans, il y en a beaucoup parmi nous qui ont fait leur première communion ici, ou bon, parce que l'église avait brûlé, etc. Écoutez, on ne peut pas tout conserver, mais enfin, c'est un fait historique. Au point de vue historique encore, la structure de remplacement de nature sécuritaire qui va être mise en place, ne nous soustrait pas, croyons-nous, comme collectivité, à ce devoir de conservation et de mémoire. Il n'est pas historiquement parlant de laisser en héritage durable aux générations futures les témoins de notre histoire. Et en héritage durable aux générations futures, c'est une situation du d'un déclinant fort intéressant de la corporation de l'œuvre Sisso. Ce serait intéressant qu'ils ajoutent, par exemple, à leur racine sociale et communautaire, qu'ils ajoutent quelques points pour leur contribution. Ce que l'on pense du projet Mignot et Fanny Canadien-Nordique comme société du sport, la société constate que l'ensemble immobilier dont il est question, l'ancien et le nouveau, est déjà en profonde mutation. La société se réjouit aussi de l'apport positif du projet pour le territoire de Malartic et ses habitants. La société déplore que l'ensemble immobilier ait été soustrait à l'étude d'impact. Idéalement, la société souhaite que tout soit mis en œuvre pour sauvegarder les éléments patrimoniaux concernés, entre autres les édifices institutionnels et industriels et leur paysage. Vous comprendrez que, comme société d'histoire, c'est un peu, on est un peu mal à l'aise quand notre mission est de sensibiliser la sauvegarde et la conservation, de venir dire que, bon, on souhaite idéalement. Ceci étant, et toujours en rapport avec le deuxième objectif, on formule 5 recommandations. Premièrement, que le promoteur Corporation Minière Otisco inscrive son projet à l'enseigne de l'esprit et de la lettre, de la loi sur le développement durable, de la loi sur les biens culturels et de la Charte des paysages québécois. Il m'a permis de rappeler que les 16 principes qui guident les entreprises et les autorités en général au Québec prises dans la loi sur le développement durable, parmi ces 16 principes-là, il y en a 3 que je porterai à votre attention par rapport à la société d'histoire. Le principe d'accès au savoir. On a le devoir, au fond, de voir à l'éducation et à la recherche, à la formation de l'ensemble de la collectivité comme entrepreneur dans le respect du développement durable. L'autre principe qui est intéressant, c'est la protection du patrimoine culturel. Et quand le législateur définit ce qu'est le patrimoine culturel et la définition dont devrait tenir compte un entrepreneur, un promoteur, c'est toujours la définition du rapport Arpin qui remonte à 2000. Et c'est que le patrimoine culturel, c'est une définition qui est admise ici, là, au Québec, et c'est sorti de la loi. Le patrimoine culturel constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs reflète l'identité d'une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d'assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent. Fin de l'espèce. On recommande toujours dans le premièrement, dans le même ordre d'idée, que le promoteur inscrive son projet dans sa propre histoire. Ce projet-là se réalise parce qu'historiquement, il y a des données minéralogiques, géologiques et autres qui le justifient. C'est fort intéressant. En 1923, 1934, quand l'exploitation a repris, alors, je pense que le promoteur on s'attend que le promoteur va tenir compte de ça. C'est sa propre histoire. On recommande, en deuxièmement, que soit conservée la mémoire du site de l'ancien chantier minier de la Canadian Arctic Gold Mines Limited, du site du quartier résidentiel, du quartier sud, du site de l'actuelle rue de la Paix et des 5 études professionnelles de la rue de la Paix. Troisièmement, on recommande que soit sauvegardé des objets témoignant de l'histoire des éléments patrimoniaux en question. On recommande que la demande de citation qu'on a adressée à la ville de Malartic comme monument historique du château d'eau et du chevalement numéro 4 de l'ancien chantier minier de la Isle Malartic, qui est maintenant la propriété de la Corporation minière Otisco, on recommande que cette demande soit étudiée en profondeur. Cinquièmement, on recommande que soit portée une attention particulière aux bâtiments encore existants du village de Norrie. En conclusion, Monsieur le Président, je me permets une autre citation. Le patrimoine, c'est ce qui apporte à notre compréhension de l'histoire, des lieux et des peuples. Il détient de nombreuses valeurs que lui attribuent différentes sociétés. Il est le reflet d'un certain mode de vie et est intimement lié au développement des communautés. La société d'histoire se prétend le gardien. Et il veut être le gardien de par sa mission de ce patrimoine. On en est, bien sûr, devant des faits accomplis, mais en tout cas, on souhaite et on veut et on recommande de conserver et sauvegarder tout ce qui est possible. Merci beaucoup. Vous avez parlé du déménagement de 1940 au début de votre présentation. Moi, j'aimerais savoir si il y a des enseignements à tirer permettrait à la société de pouvoir peut-être mieux tirer son épingle. 1940, et c'est sûr que les choses ont évolué, et pour ce qui est de la question communautaire, de la question sociale. On doit reconnaître que les choses se passent fort certainement, sûrement, et c'est fort heureux. Pour ce qui est de l'histoire, d'une certaine façon, l'histoire se répète. Mais encore une fois, les conditions ne sont pas les mêmes. À savoir, les déchirements au plan personnel, écoutez, ce n'est pas vraiment notre rôle d'intervenir à ce niveau-là. On peut l'observer et on pourra en rendre compte éventuellement quand on écrira cette histoire-là. Mais nous, on observe les faits. Et on est en train de regarder, il semblerait qu'il y a même quelques résidences qui sont déménagées, qui ont déjà aussi déménagé en terre emploi. Elles vont et elles viennent. Bon, historiquement, c'est intéressant. Mais la loi des mines, pour que j'en sais, bon, il y a eu quelques changements, mais sensiblement la même. Bon, c'était des tables à comprendre, et les faits veulent que c'est ici maintenant, à proximité, il y avait quatre chantiers miniers, là, à un moment donné, en 40, il y avait 4 mines qui fonctionnaient. Il y en avait 3 ici, vraiment. Alors, voilà. Ce qu'on a pour documenter ça, ce sont des photos d'archives du gouvernement de l'époque, des rapports. Donc, pas de renseignements pour dire si on avait procédé de telle façon, on aurait pu conserver plus d'archives, bien plus sûr. De... Bien sûr. Okay. Bon, c'est sûr que les moyens le permettent aujourd'hui. J'ai en mémoire le cas de cette semaine, qui est un peu plus dramatique, dans le sens qu'il y a 50 ans, en tout cas, apparemment, qu'il existe très peu de photographiques ou autres de... cette situation où les maisons ont été déménagées, et bon. Bon, ce que je dois dire, heureusement, ici, ça ne sera pas le cas, parce qu'on documente, et on a la barre, et on a l'actif. Bon, on peut dire ça. M. Louka. J'aurais une question concernant l'étude d'impact, qui quand même aborde un peu certains aspects du patrimoine. Alors, je me demandais si vous aviez été consulté pour ce volet, et qu'est-ce que vous pensez des conclusions ou observations du rapport? À ma connaissance, on n'a pas été consulté comme tel. La notion de patrimoine est une notion qui est bien définie maintenant. Là, je viens de, bon. Mais quand on parle de patrimoine et de bâtiments historiques, ceux-ci ne sont pas cités. Hein? Ils ont été bien entretenus, mais ils ne sont pas cités comme tels par la municipalité. Et ils sont probablement pas citables, entre guillemets, parce que pour qu'ils soient cités, il faut qu'ils aient un intérêt historique et historique national. C'est difficile de débattre, là. On n'a pas de Mme Félix Lambert-Lagacé parmi nous, et bon. Mais à ma connaissance, on n'a pas été consulté comme ça. Ce que j'ai lu, moi, dans l'étude, c'est que, puis dans les premiers travaux, les premiers avis, il y a une sensibilité, et c'est leur terme exact, une sensibilité envers les éléments patrimoniaux. Mais une sensibilité envers les éléments patrimoniaux, en tout cas, nous, c'est ça qu'on dit. On a cette sensibilité-là et on veut que ce soit reconnu. Et travailler avec les instances concernées. Mais il n'est pas fait, à ma connaissance, état plus en profondeur. Parce que, reconnaissons-le, encore une fois, là, ce ne sont pas des bâtiments cités, mais c'est plus par rapport à la mémoire qu'il représente, et ça, on le dit. Quand vous avez fait votre demande à la ville pour que les monuments historiques, quelle a été la réaction de la ville? Je vous ai parlé un peu de la sensibilisation de la ville qu'on a avec eux. Bon, je vous ai parlé du manque de connaissances, et je l'ai dit là, encore une fois, de façon très polie, dans le sens qu'on ne peut pas tout savoir tout le temps. Et on a fait cette demande fin novembre, Et la réponse nous est venue de la ville qu'on s'adresse et demande, le législateur dit vous adressez la demande au comité consultatif de l'urbanisme. Et la réponse nous est venue, non pas de la ville, mais de la de copie conforme d'une lettre que la corporation minière au Cisco a adressée à la ville. Nous, on a eu une copie. Mais nous, la réponse de la ville, on l'attend toujours. Par ailleurs, il y a un comité formé qui n'a pas, on n'a pas encore eu de rencontre. Ce sujet-là va être abordé. Mais le fait est que la ville elle-même qui est interpellée en termes de la loi, ne va pas vraiment donner suite. On n'a pas, je dirais même pas un accusé d'exception. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Alors, j'inviterai maintenant le représentant du musée minéralogique de Malartic, s'il vous plaît. Nous, c'est de la logistique. Donc, Monsieur Massou. Jean Massicotte, directeur du musée minéralogique de Malartic. OK. Nous vous écoutons. Merci. Alors, le musée minéralogique de Malartic est un musée régional ayant pour mission la conservation et la diffusion du patrimoine géologique et minéral de l'Abitibi-Témiscamingue. Le musée est un organisme à but non lucratif. Notre organisme rejoint chaque année quelques 12 000 personnes par le biais de ses services. Quand on parle de différents services, on parle d'une exposition permanente. On parle aussi, on a une exposition temporaire présentement. On a également une exposition itinérante qu'on peut mettre en circulation, on peut dire même à travers le pays, dans les musées. On a des trousses éducatives aussi pour les écoles, très intéressantes au niveau primaire. Deux trousses éducatives qui circulent présentement allègrement dans différentes écoles de la région, puis même de la province. Une trousse qui s'appelle Roche et Minéraux, puis l'autre trousse, Exploration. Le musée organise également une exposition industrielle, une exposition minière forestière, et également le club minéralogique. D'où là, les services par lesquels on joint nos 12 000 personnes, à peu près nos 12 000 visiteurs par année. Le musée a démontré son appui à la corporation minière Osisco en décidant de concert avec la municipalité de Malartic de réaliser un projet d'agrandissement de plus de 2 millions de dollars et aux abords même de la nouvelle mine qui, nous l'espérons, sera bientôt en exploitation. Ce projet, soit la construction d'une nouvelle bibliothèque municipale et l'ajout d'une nouvelle salle d'exposition pour le musée, a été financé par le ministère de la Culture, Communication et Conditions Financières. La ville de Malartic et le musée minéralogique. Le choix de localisation géographique du musée, à côté d'une mine à ciel ouvert, n'a pas arrêté notre décision d'aller de l'avant et d'investir des sommes importantes pour améliorer nos infrastructures, ce qui démontre la bonne volonté et la confiance de notre organisme à la réalisation du projet canadien de Malartic. Il faut dire que le musée, lui, existe depuis 1972. Puis, en 1972, qu'est-ce qui a fait que le musée est à Malartic et non pas dans un autre lieu de la région? C'est la fierté des travailleurs d'ici. La fierté des travailleurs miniers qui, à l'époque, ont été chercher certains objets, des pièces dans les mines. Parce que, vous voyez, en 1972, il n'y avait pas possibilité pour des enfants, puis même pour des femmes, de descendre dans les mines et pouvoir visiter. Donc, les mineurs avaient une certaine fierté aussi pour pouvoir montrer à des familles qu'est-ce qu'en était du travail, de leur travail. Ça fait donc pour eux le besoin. En 1972, il y avait une église qui ne servait plus à Malartic. Ceux qui sont allés dans les différentes mines de la région allaient chercher des pièces, des équipements, des minéraux pour que ce soit représentatif de ce qui était leur travail. Ça fait au début, c'était consacré pour leur famille, puis en un peu de temps, bien entendu, c'est devenu un musée touristique fort intéressant. C'est vraiment intéressant parce que ça n'a pas pris de temps. En 1979, le ministère de la Culture a décidé d'accréditer ce musée-là. Accréditer dans le sens qu'on accrédite parce qu'on le reconnaît. Donc, le musée, depuis 1979, a été reconnu et accrédité par le ministère de la Culture. Puis, bien entendu, depuis 1979, il s'en passe beaucoup de choses à Malartic, ça s'est passé beaucoup au musée. Il y avait une volonté régionale aussi, parce qu'on, au niveau touristique, tout le monde se développe, puis il y avait une volonté régionale de d'avoir une descente souterraine. Parce que au niveau de la région, on trouvait intéressant de trouver un emplacement pour que les gens puissent aller visiter réellement une mine. Le musée que tu présentais, c'était une simulation de descente souterraine. C'est-à-dire que la simulation, c'était très, très, très intéressant. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous voir au musée et nous demandent la simulation, est-ce que ça existe toujours, la petite cage qui brasse. En fin de compte, c'est une simulation où il y avait des galeries de mines. C'était très, très, très bien fait, puis des mineurs d'époque aussi qui l'avaient fait. Ça fait donc, je reviens, étant donné que la simulation, c'était tellement bien fait que ça donnait le goût, justement, d'avoir une réelle descente souterraine. Puis malheureusement, la descente, c'est pas faible, je dis malheureusement, c'est parce que la descente s'est faite dans la municipalité de Val-d'Or, où il y avait une rampe, il y avait des possibilités de pouvoir descendre des gens là sous terre. Ça, c'était une volonté régionale. Puis à partir de ce moment-là, le musée, on a eu à faire une réflexion. Puis aussi, on regardait ce qu'on était au niveau de nos collections. Parce qu'on s'est dit, si il y a une réelle descente souterraine à Val-d'Or, ben, peut-être qu'à Malartic, notre produit ne sera pas aussi bon. Puis on avait une très, très belle collection, le Toto, d'ailleurs, au niveau de la géologie, des collections de pierres de minéraux. C'est donc, on a pris un virage majeur, si on veut bien dire, pour être complémentaire aussi à ce qui s'en venait. Puis, on peut dire aussi pour bonifier le touristique et culturel en région, d'avoir un descente souterraine et d'avoir un Malartic toujours pour un musée régional. Mais depuis 1986, le musée, sa mission, c'est surtout au niveau de la géologie, les minéralogies. Ça fait... je vous remercie de m'avoir permis de faire un petit historique du musée. Ça fait comme je vous le disais, c'est certain que les projets aussi à ce moment-là, ça n'a pas arrêté le développement. Ça, c'est très, très important parce que il y en a plusieurs à l'époque qui vous demandaient oui, mais comment vous allez faire après ça pour continuer à vous développer. Ça, c'est pas vraiment un problème parce que vous voyez, on a réalisé un gros projet. C'est un projet majeur là, qui peut se réaliser à peu près, on peut dire, à toutes les 25-30 ans. Le projet, c'est que on a relocalisé la bibliothèque municipale à même le musée. Puis le musée, on présentait déjà une exposition permanente. Puis on a construit une nouvelle salle d'exposition pour présenter des expositions temporaires, recevoir d'autres expositions itinérantes. Ça, c'est un gros projet parce que vous voyez, c'est un projet de 2 millions de dollars. Tout à l'heure, quand j'ai mentionné qui avait participé au projet, le ministère de la Culture, Communication, conditions féminines, la ville de Malartic et le musée minéralogique. Donc, Ossisco a été impliqué dans le projet, donc pas Ossisco non plus qui nous a influencé dans le choix qu'on était pour rester aux abords, possiblement de la future mine à ciel ouvert. Donc, c'est un choix qu'on a pris, puis c'est un choix qui était fondé en plus sur le temps de travail. Parce que le projet d'amélioration, d'agrandissement du musée, ça a pris 10 ans avant qu'il se réalise. Puis, je veux vous dire, tout à l'heure, on faisait mention justement la difficulté d'aller chercher du financement quand on est dans une petite ville de moins de 5000 habitants. C'est que nous, le musée, on avait une part aussi à payer de la suite. Puis le musée, c'est du bénévolat. C'est 11 personnes au niveau du conseil d'administration. Puis, notre quote-part à payer, c'était de 200 000 $. Puis, on a réussi à aller chercher dans le milieu 200 000 $ pour pouvoir payer le projet d'agrandissement. On est très heureux que le projet se réalise. Maintenant, le projet est réalisé là, depuis le mois de novembre. Puis, à ce moment-là, nous entreprenons, bien entendu, avec notre futur voisin, parce que là, déjà là aussi, dans notre projet, on savait, on avait entendu parler, puis de toute façon, on a pris des informations à savoir si la corporation Minière-Rossico était pour ouvrir éventuellement une à ciel ouvert juste en avant, parce que ça veut dire que le musée est situé juste en avant de ce qu'on peut appeler le parc linéaire de la fosse. Donc, déjà là, la première des choses qu'on a vérifiées, c'est de savoir si on pourrait être touché là, par les opérations. Donc, la question, la corporation de Minière-Rossico nous a dit que non, parce qu'on resterait finalement juste en avant du parc linéaire. Donc, on ne serait pas déménagé. Ça, c'est important parce que quand on réalise un projet de 2 millions, puis ça fait déjà 10 ans qu'on travaille là-dessus, c'est pas pour faire déménager un an après. C'est donc qu'on a eu la confirmation de ça. Puis le choix, c'était justement de rester là. Puis d'entreprendre aussi certains partenariats avec la compagnie Minière-Rossico. Je vous mentionne cette représentation ou la collaboration avec la compagnie Minière-Rossico. C'est deux cours de capsule vidéo d'animation, un montage graphique puis l'installation dans l'exposition d'un support graphique fonctionnel. Les capsules vidéographiques, aménagement des installations sur le parc linéaire et le cycle de vie du projet, faire découvrir les différentes étapes de l'exploitation de la mine au cours des 15 prochaines années. Le montage graphique sera consacré à la relocalisation des maisons et à la construction des nouvelles infrastructures. De plus, une sonde sera installée sur le terrain du musée ainsi qu'un système graphique fonctionnel à même notre exposition. Les gens seront alors en mesure de constater à travers un minutage la mesure du mouvement du sol qui sera visible sur un support visuel. Nous croyons fermement que de présenter aux visiteurs cette technologie sera de nature à rehausser encore davantage le prestige de notre exposition, puisque cet élément s'intègre très bien dans notre mandat de bien représenter les réalités géologiques de notre région avec une approche authentique, scientifique et innovatrice. D'ailleurs, on a déjà débuté aussi, si on peut dire, la représentation parce que suite à la demande du tourisme, déjà au cours de la dernière été, beaucoup de personnes qui venaient visiter le musée pour poser des questions sur le projet canadien malartique de Rossico. Donc, on était déjà en mesure de présenter deux questions vidéographiques pour expliquer un petit peu le projet. Puis tant qu'au déménagement des maisons, je pense que c'était quand même assez facile pour nous de le montrer parce que justement le quartier sud est juste en avant du musée. Ça fait donc qu'on pouvait justement diriger les gens et leur dire visiter le quartier, si c'est un quartier-ci qui était pour déménager. Un point bien important aussi, c'est qu'on ne voulait pas rentrer dans le détail des déménagements ou dans la controverse. En fin de compte, on présente aussi les faits. Puis c'est la même chose aussi pour l'ensemble des collections du musée, c'est qu'on s'en tient aussi à l'essentiel sans rentrer quand même trop dans le détail des choses. Le musée, de concert avec la corporation Sico, prévoit également, lors de l'exploitation du gisement, diriger une tour d'observation en avant du musée qui permet aux visiteurs d'observer les opérations minières. Il devient donc très intéressant que le projet canadien de Malartique de la corporation Minière-Rossico se réalise, puisqu'il permettra d'accroître davantage la clientèle et favoriser la création d'emplois dans le domaine culturel et touristique. Le projet canadien de Malartique sera également de nature à faire connaître Malartique, son histoire, ses richesses et contribuera de façon inespérée à son développement. C'est pourquoi notre position est de démontrer notre confiance, notre appui et notre support à la compagnie Rossico et leur projet. Nous collaborons de ce fait pour prouver que le parc linéaire ne sera pas une zone dangereuse et interdite, mais plutôt un secteur de Malartique vivant et enrichissant. Merci. Oui, la tour d'observation, elle aurait quelle hauteur? Ça n'a pas encore été défini sur les plans. C'est certain que c'est. Je pourrais poser la question, ou déjà poser la question, puis c'est que, on peut dire que les plans de vie n'ont pas été réalisés encore. C'est certain que ça. C'est un projet intéressant. Puis d'ailleurs, je vais vous dire, on parlait d'une tour d'observation, puis je vous ai amené aussi différentes idées de quelle façon qu'on pourrait visiter les installations de la mine, parce qu'on dit aussi de plus en plus au niveau touristique, même culturel, que c'est très intéressant d'avoir des visites industrielles. C'était donc, c'est pour ça qu'on, pour l'instant, on faisait confiance aussi à la compagnie pour un partenariat, pour être en mesure justement de bien montrer le déroulement des opérations, puis de faire de ce site-là, étant donné que le musée quand même est bien localisé présentement géographiquement juste à côté du site, de pouvoir avoir soit une tour d'observation, puis même pouvoir aussi aller sur le site visiter l'usine pour faire des visites industrielles. C'est assez certain que pour nous aussi, on entrevoit encore beaucoup de beaux projets, beaucoup de beaux projets que la compagnie n'est même pas encore courant, mais là-dessus, comme j'ai dit, le musée s'est beaucoup développé au cours des dernières années, puis on entend de se développer encore énormément avec la Corporation Minière Francisco. Merci beaucoup pour le témoignage. Merci. Maintenant, j'inviterai les représentants du Forum de l'Institut des sciences de l'environnement du QAM. Donc, pendant l'installation, juste mentionner que la présentation va être André Morin, représentant, membre du Forum d'Institutions de l'Environnement. CAM, on va l'appeler le FIS pour raccourcir encore la suite de la compagnie. Hugo Lapointe, également membre du Forum du FIS. Donc, il va y avoir une copie qui va être déposée, évidemment, de la présentation, qui est un résumé, en somme, du mémoire qu'on a déposé, donc qui va être ajouté en annexe à ce mémoire. Et pour préciser, dans cette présentation-là aussi, faute de temps, nous allons principalement parler du comité de suivi environnemental. C'est le thème abordé dans cette présentation. Donc, pour prendre l'avance, on peut présenter le Forum d'Institut de sciences d'environnement. Le Forum d'Institut de sciences d'environnement, le FIS, c'est un groupe un groupe d'étudiants de deuxième et troisième cycle, donc à la maîtrise au doctorat, ici de professeurs associés qui contribuent à la réflexion sur différents projets de développement au Québec. Plus spécifiquement, dans les dernières années, le FIS s'est positionné sur le dépotoir à l'Acheter, à Montréal, aussi sur les enjeux nucléaires au Québec et sur le traité de Copenhague, notamment gaz à effet de serre. Et puis, dans cette même lignée, le FIS a cru bon de déposer la mémoire ici à cette commission. Donc, je vais supporter ce que je viens de dire. Dans cette présentation, nous allons donc présenter évidemment le forum. Chose faite, nous allons avoir la position du FIS et parler de gouvernance environnementale. Et une faute de temps, ça doit être le comité de suivi environnemental qui est très génial. Donc, présentation, c'est déjà fait. Donc, la position du FIS. Compte tenu que le projet minier proposé ne permet pas de répondre à certains principes de la loi sur le développement durable, notamment santé et qualité de vie, équité et solidarité sociale, participation et engagement, compte tenu que le projet proposé évolue dans un cadre qui ne semble pas favoriser le développement des communautés d'accueil, le vérificateur général du Québec soulignait à cet effet que certes, et je cite, certaines régions sont fortement dépendantes de l'activité minière. Elles doivent favoriser une utilisation responsable de la ressource au bénéfice des générations actuelles et à venir, ou à tout le moins leur garantir une juste compensation économique pour la perte de cette ressource non renouvelable. Pourtant, et toujours selon le vérificateur général, il apparaît qu'à partir des analyses disponibles, il est impossible d'établir de façon claire et objective que le Québec retire une compensation suffisante en contrepartie de l'exploitation de ses ressources minérales. J'aimerais, si vous pouvez, M. le Président, me le dire après 8 à 10 minutes pour que je puisse expliquer à mon collègue de parler aussi. Donc, je vais couper sur certaines diapositives. Donc, toujours au niveau de la position du FIS, compte tenu que la nouvelle stratégie minérale du Québec, entendue pour la fin 2007, n'a toujours pas été déposée, ce qui ne nous permet pas d'intégrer cette stratégie dans notre analyse du présent projet. Compte tenu que plusieurs groupes régionaux, notamment le BAT et l'ABAT, ont demandé un débat sur les mines, débat qui n'a toujours pas eu lieu, et que la conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas intégré, ou encore ne s'est pas positionné dans son plan stratégique de développement de l'Abitibi-Témiscamingue 2007-2011 sur les mines à ciel ouvert, thème qui n'est nullement utilisé dans ce plan, et que toujours, selon ce plan stratégique de développement, la CRI a signalé qu'une de ses priorités est de contribuer à la reconnaissance du créneau technomine souterraine comme phare de développement minier en Abitibi-Témiscamingue et au Québec. Le FIS pense qu'en raison des considérations qui sont ici résumées, que la commission du BAT doit demander au gouvernement du Québec de ne pas autoriser le Prosecco tant que les principes de développement durable ne sont pas intégrés au projet, tant que les recommandations du vérificateur général qui peuvent être intégrées au projet, notamment l'analyse des principaux coûts et bénéfices économiques, surtout environnementaux, ou encore de réévaluation des droits miniers dans le but de s'assurer qu'ils sont suffisants pour compenser l'épuisement des ressources extraites, soit intégrée, et finalement, tant que la nouvelle stratégie minérale du Québec soit déposée. Cela étant dit, le FIS est conscient que très peu de projets miniers ont été suspendus ou encore refusés au Québec. Le projet d'Oconz apparaît comme l'unique. Ainsi, dans la mesure où le projet minier va de l'avant, mais également pour tout projet minier, il nous apparaît fondamental qu'un comité de suivi et de contrôle des performances sociales et environnementales soit créé. L'essentiel, la suite de la présentation portera sur ce comité de suivi. Je passe, désolé. Pourquoi un comité de suivi à l'article? Comme nous l'avons déjà signalé, la création d'un comité de suivi environnemental pourrait favoriser l'atteinte du 5e principe de la loi sur le développement durable, sous la participation et l'engagement citoyen et des groupes qui les représentent. Un constat d'ailleurs souligné par le vérificateur général du Québec. Par ailleurs, plusieurs résidents de Malartic ont déjà démontré l'intérêt et la pertinence d'un comité de suivi indépendant composé de citoyens. Le MDDEP a d'ailleurs questionné le promoteur sur l'importance de créer un comité de suivi. Le promoteur a répondu positivement à cette demande en signalant que le groupe de consultation de la communauté se définit comme une instance de consultation présente à diverses étapes du projet minier. À cette fin, nous aimerions apporter une précision concernant le GCC, le groupe de consultation de la communauté, on va continuer à l'appeler le GCC. Nous savons que l'entreprise a déjà mis sur pied ce groupe et qu'elle a rencontré à plusieurs reprises des citoyens et des représentants de la ville de Malartic, ce qui nous apparaît comme une démarche importante. Cependant, il nous apparaît difficile de parler de consultation du milieu comme on le fait dans un petit impact. Selon nos observations, le GCC a majoritairement traité d'informations ou encore d'informations qui tendent vers une consultation. Ainsi, une critique qui est souvent faite du GCC est le manque de représentativité du milieu, la formation, le choix des représentants de ce groupe et le mode de fonctionnement ayant principalement été opérationnalisé et régi jusqu'ici par le promoteur même. Ici, on présente une figure d'un texte qui date, d'un texte, mais qui est encore cité à Maurice. C'est une représentation, une échelle au niveau de citation citoyenne qui a été représentée en 1969, mais qui est utilisée encore une fois pour dans différents travaux. Donc, toujours selon cette échelle, nous remarquons que l'information, qui est le point 3, au plus bas niveau en ce qui concerne la participation. Cette information peut être vue comme un flux d'informations unidirectionnelles, par exemple, d'un promoteur qui traite de son projet vers une communauté. Au deuxième niveau, donc on parle au point 4, nous parlons de processus de consultation où l'information va plutôt des résidents vers le promoteur, mais où aucun processus de prise en compte des préoccupations et des idées des citoyens n'est offert. À ce niveau, il nous apparaît que le GCC a intégré des principes de consultation en ce qui concerne le processus de relocalisation. Rappelons-le, selon le MDDEP, la relocalisation des résidents ne fait pas partie du projet minier. C'est un impact du projet, mais ce n'est pas une partie du projet. Troisième lieu, l'apaisement, on pourrait également dire un début de concertation ou une certaine concertation. À ce niveau, la redistribution des pouvoirs est faite par le biais de négociations entre les citoyens et les différents groupes d'intérêt. Pourquoi on présente ce tableau-là? C'est qu'on est convaincu qu'un comité de suivi gouvernemental doit inévitablement attendre vers un point 5 qui est la consultation et dépasser la consultation. Donc, première recommandation. Dans cette optique, nous suggérons de revoir les objectifs, le mandat, la composition et le mode de fonctionnement du GCC dans la mesure où la population reconnaît la légitimité du GCC actuel et émet la volonté de conserver ce groupe. Dans le cas contraire, nous proposons la formation de nouveaux comités de suivi qui veilleraient à ce que la communauté soit engagée de manière appropriée. Nous attendons par approprier un processus de concertation dans le suivi environnemental et ce, dès sa constitution. Recommandation 2. Pour ce faire, il serait possible de former un comité indépendant dont le mandat serait de proposer et de définir un mode de fonctionnement pour le comité de suivi. À cet effet, ce groupe pourrait inclure des citoyens, des représentants de l'Arctique, des représentants fiscaux, mais également des représentants issus d'autres milieux en région et possiblement des représentants externes, détenteurs d'une expertise dans l'établissement de ce type. Afin de nourrir la réflexion sur la possible création de comités de suivi, et nous disons ici possible dans la mesure où le projet va de l'avant, nous aimerions survoler 20 critères, et on n'en fera pas les 20, mais on vous les déposera évidemment, de réussite identifiée par l'étude de Marc Guérome et citée dans l'étude de Gagnon 2002, qui est l'étude qu'on utilise ici dans le cadre de l'AIDA. Ça fait une minute. OK. Cette étude classe les critères en trois catégories. Le cadre institutionnel, organisationnel, la gestion effective, opérationnelle et la mise en œuvre. C'est une étude qui a été faite pour démontrer une certaine des critères que doivent intégrer les comités de suivi environnemental pour atteindre une légitimité et un mode de fonctionnement efficace. Donc, quelque chose à faire, hein? Ouais. Au niveau du cadre institutionnel et organisationnel, la réussite d'un comité de suivi est notamment influencée par un cadre légal et réglementaire, mais également par la disponibilité des ressources pour guider le processus de collaboration. Nous attendons ici la création d'un poste permanent de coordination, un poste qui doit être comblé par un acteur indépendant au parti, sélectionné par les différents partis et ayant une formation multidisciplinaire. Par ailleurs, la création d'un fonds de fonctionnement financé notamment par le promoteur, un fonds qui serait géré par une entente de manière indépendante, notamment comme pour les communautés, les comités Écadie du territoire du Nord-Ouest ou encore Gadlin, Québec, doivent être intégrés au comité de suivi. D'autre part, l'engagement et l'implication des principaux acteurs est essentiel. Finalement, l'ouverture à tous les partis intéressés favorise la légitimité du comité, notamment lorsque les citoyens sont représentés majoritairement. À cette fin, nous aimerions souligner le choix du comité Magnola à Asbestos de donner un droit de vote aux citoyens qui siègent sur le comité. Le promoteur, les autres groupes d'intérêt et les experts y sont membres invités. Cette approche, qui en est une parmi plusieurs, favorise la légitimité du groupe. Et puis, je passe sur les recommandations. Donc, sommes-nous dans la même endroit? Recommandation 3, que la présente commission exige la création d'un comité qui veillerait à ce que la communauté soit engagée de manière appropriée dans le suivi environnemental. Le comité de suivi doit se doter de moyens et de ressources significatives et suffisantes afin de documenter scientifiquement les impacts et d'en faire un exhaustif. Cet exercice devrait être inspiré de différents cas, notamment ceux que nous nommons ici. Que le comité de suivi environnemental favorise une participation représentative du milieu. L'accès doit être possible pour tous les groupes, peu importe leur capacité financière. L'information doit également être accessible à tous pour ne pas confiner le débat à la seule expertise. Les conflits d'intérêts potentiels doivent être évités. Afin que les représentants des citoyens soient légitimes, qu'une démarche transparente qui favorise la participation et qui est démocratique soit définie afin de permettre aux résidents de Malartic de nommer ses propres représentants. Rapidement, au niveau de la gestion effective et opérationnelle, on pourrait sauter directement aux recommandations qui résument les points en même temps. Nous recommandons que des règles de procédure servant à régulariser le fonctionnement du comité qui détermine les pouvoirs et les responsabilités du comité et de ses membres soient clairement que le promoteur comprenne et respecte ses engagements, notamment au niveau de l'accès à l'information envers le comité de suivi. Ce dernier aura besoin d'un accès libre aux documents du promoteur et d'une information utilisable en termes de contenu. Par ailleurs, les termes de l'information doivent être clairs et établis. Il est impératif que soient mis en place des lieux de débat ouverts et permanents. Ceci donnerait l'occasion aux citoyens de s'exprimer et pourrait rendre possible la diffusion et la vulgarisation suivie effectuée. Que les connaissances du milieu, qu'on appelle connaissances vernaculaires, soient valorisées au sein du comité. Cette ressource peut venir, par exemple, des aînés, d'anciens mineurs, des citoyens vigilants, des autochtones, etc. Sur la dernière, hein? C'est bon. Oups. Finalement, nous recommandons qu'une recherche plus approfondie sur les divers standards et normes volontaires actuelles mises en œuvre dans le secteur minier soit réalisée afin que le comité chargé de proposer de définir le mode de fonctionnement du comité de suivi puisse s'en inspirer. Et Hugo, je fais rapidement. Tous ces documents-là vont être disponibles sur le site du BAP, donc les gens pourront voir les détails en se rendant sur le site. Brièvement, je vais juste introduire la continuité de l'idée de comité de suivi. André a bien introduit l'importance d'y penser le plus tôt possible dans le processus et d'essayer de deviner, de définir le plus tôt possible dans le processus à quoi ça va ressembler, ce comité-là. Et dans ce contexte-là, les ententes contractuelles qui existent actuellement au Québec et au Canada, et même en Australie, les ententes qu'on pourrait appeler de développement durable, mais qui portent aussi d'autres noms, comme des impact and benefit agreements ou des ententes sur des répercussions et des avantages, devraient être intéressantes. Le Forum de l'Institut des sciences de l'environnement recommande ce type de concertation-là, bien établie, bien définie, tôt dans le processus, pour non seulement le projet ici présent, si jamais il devait aller de l'avant, mais surtout pour tous les projets qui auraient des conséquences importantes pour les communautés locales, régionales, etc. Donc, moi, je ne passerai pas toutes les diapositives non plus, je vais juste dire brièvement qu'au Canada, il existe depuis 1980 une cinquantaine de ces ententes-là. Des ententes qui sont ici présentées sur la diapositive dans les différentes provinces. Le chiffre représente le nombre d'ententes qui ont été répertoriées. C'est pas nécessairement exhaustif, là. Ça se pourrait qu'il y en ait d'autres qui n'aient pas été répertoriés ici. La plupart de ces ententes-là ont été négociées depuis, surtout les années 2000, en fait. La moitié de ces ententes-là ont été négociées depuis les années 2000, bien qu'elles ont commencé en 1980. Elles ont des qualités variables. Certaines mettent plus l'accent sur des aspects socio-économiques, mais d'autres sont plus exhaustives et compréhensives sur l'investissement. Mais inclut par exemple des chapitres sur l'environnement, des chapitres sur le social, des chapitres sur l'économie. En Australie aussi, il y en a plus de 35 de répertoriés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est des ententes qui peuvent porter plusieurs noms, socio-économiques, environnementales, répercussions et des avantages à l'IS. C'est des ententes qui ne remplacent pas les lois et les cadres réglementaires. C'est des ententes qui sont contractuelles, qui sont habituellement répondantes du droit privé, donc du droit civil. Et c'est des engagements formels entre entreprises et communautés. Donc, on évite par là des malentendus qui pourraient survenir par... sans passer tout en détail les diapositives, je voudrais simplement dire que dans la présentation qu'on va mettre disponible sur le site du BAP, qui est celle-ci, mais qui est tout ça accompagné d'un texte beaucoup plus détaillé. On pose par exemple des questions, on essaie de répondre aux questions, pourquoi des ententes négociées avec les communautés, donc pourquoi on fait ces ententes-là, pourquoi les compagnies minières souhaitent ou acceptent de négocier de telles ententes, pourquoi les communautés souhaitent ou acceptent elles aussi de négocier ces ententes, puis on se base sur des cas qui existent et des études qui existent. Pourquoi souvent, c'est un peu particulier, souvent les gouvernements ne participent pas à ces ententes-là, c'est souvent de compagnie à communauté ou à instance régionale. Il y a des ententes où les gouvernements sont aussi présents. Et comme je le disais tout à l'heure, ces ententes-là incluent souvent plusieurs chapitres. Ici, il y en a une liste d'exemples qui sont assez communs. Par exemple, un chapitre sur l'emploi, la formation, donc privilégier l'emploi local, régional, de quelle façon ça va se faire. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, de l'information divulguée pour les postes offerts, quel type de formation sont nécessaires pour ça, etc. Développement économique, partage revenus et profits, compensation, développement social et communautaire, protection de l'environnement, protection du patrimoine culturel et historique, mécanisme de mise en œuvre et de suivi, mécanisme de résolution de conflits, consentement des communautés. L'idée aussi de ces ententes-là, c'est que présentement, on est dans un processus d'étude d'impact sur l'environnement et on passe en ce moment au bureau d'audience publique sur l'environnement. Une fois que ces étapes-là sont passées, l'expérience est assez claire. C'est tout un défi après ça de passer à l'étape d'opération et de concrétiser tout ce qui a été dit durant ces études-là. Et ces ententes-là permettent un peu de tirer les lignes, les balises, de dire okay, comment on va s'assurer de bien suivre ça et qui va participer au suivi tout au long du projet. Et ça ces ententes-là ont l'avantage de mettre ça au clair dès le départ. Je ne peux pas te les présenter, j'essaie juste de voir lesquels que je voulais vous présenter. Je pense que je vais m'en tenir tout simplement cette diapo-là. C'est important de dire que ces ententes-là offrent certainement des avantages, mais aussi des défis. Un des défis, c'est que, par exemple, une étude de la misère à prononcer son nom, c'est un Australien là, qui est certainement le plus compétent en la matière actuellement que je connaisse. Lui, il a étudié 75 ententes qui ont été faites au Canada et en Australie, et il s'est rendu compte il y a une grande variabilité dans la qualité de ces ententes-là. Et il a énuméré quelques facteurs qui parlent critiques et qui permettent de prédire quel type de qualité ça va avoir. Et entre autres, c'est certain que les conditions politiques et légales qui entourent sont importantes. Par exemple, présentement, au Nunavut, au Canada, de telles ententes sont exigées par la loi. En particulier dans les secteurs où les Inuits sont détenteurs des droits miniers, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Au Nunavik, maintenant, avec l'entente Raglan et Canadian Royalties, il y a le précédent qui a été créé et c'est maintenant c'est intégré aussi dans les institutions publiques à ce niveau-là. Ça, c'est un facteur déterminant. Mais autre facteur-là, il y a le facteur de l'accès aux ressources pour la communauté, accès non seulement aux ressources financières, mais aussi aux ressources humaines, donc capacité d'accéder à l'information, de la digérer, de la comprendre et d'interagir avec cette information-là pour aller de l'avant avec ces ententes-là. Bref, des avantages certains, des défis, il faut y penser de d'avance, et c'est une alternative intéressante. Je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup. Vous parlez d'un comité indépendant, avec l'embauche d'au moins une personne à temps plein, il serait financé comment exactement le manque d'économie du financement? Typiquement, les ententes que dont moi je suis familier, c'est dans l'entente, c'est écrit de la façon dont ça va être financé, et souvent c'est la compagnie qui va financer. Étrangement, ça peut sembler étrange pour les gens, mais là, si c'est la compagnie, ça sera plus indépendant. Et c'est vrai que c'est un sérieux défi, mais il y a moyen d'écrire une entente claire sur le papier, de dire, OK, voici par exemple, dans le cas des classiques, c'est un financement qui varie entre 400 et 500 000 par an pour un comité comme ça. Voici comment cet argent-là va être géré, qui va prendre les décisions de gestion, etc. Et c'est clair que la compagnie n'a pas le droit de regard dans la façon dont cet argent-là va être géré. Par contre, c'est entendu dès le départ que l'entreprise va fournir 400 à 500 000 par année à ce comité-là. Et ça peut se prendre différentes formes. Par exemple, cette entente-là peut être renouvelée aux 5 ans pour assurer un suivi adéquat. Mais quand vous dites un suivi, ça dépend à quel niveau de suivi on espère. Si, par exemple, et là j'essaie de comprendre exactement qu'est-ce que vous proposez. Si, par exemple, vous dites un comité de suivi qui va embaucher des experts, ça va prendre plus qu'une personne, si on fait des suivis de l'eau, de l'air, qui, autrement dit, qui pourrait à la fois réaliser des inspections de contrôle que le ministère de l'Environnement fait dans ces... Est-ce que vous voulez remplacer ce genre de choses-là ou vous voulez remplacer les obligations que le promoteur a à rendre, à faire des comptes, une reddition de compte de ces activités? Comment vous situez ça par rapport à... Est-ce qu'il existe d'autres comités de suivi ou c'est d'autres choses? C'est-à-dire que c'est une espèce de comité qui reçoit la reddition de compte de part et d'autre et qui analyse. Donc, à ce moment-là, il est moins énergivore en termes de ressources financières, mais comment ça vous entendre? Moi, je peux introduire, puis peut-être André pour compléter. En fait, le message central aujourd'hui, c'est que il y a des exemples qui existent ailleurs au Québec et au Canada. Ça serait essentiel, important, intéressant d'aller faire une étude sur les différents modèles qui existent. Puis que ça soit fait par un groupe représentatif qui pourrait regarder ces différents modèles-là. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si on vous présente des idées qui peuvent stimuler, on espère, cette réflexion-là. Et je suis d'accord, dans les comités, par exemple, que je vois à Raglan, que je vois à Ekati, Snapley, Diavik, il n'y en a pas un pareil. Ils ont toutes leurs variabilités. Un des rôles centrales qui me semble intéressant à ces comités-là, c'est d'une part d'assurer un rôle de liaison entre la communauté. Puis quand je parle de communauté, je parle de la communauté élargie, là. Donc locale, régionale et le promoteur. Une liaison importante. Si dans la communauté régionale, locale, il y a des questions et des interrogations, c'est un bon médium pour les communiquer à cette instance-là et lui de les communiquer par la suite au promoteur. Et vice-versa, ce comité a aussi le rôle de vulgariser, de rendre l'information à la communauté locale. Et ça peut, dans le cas par exemple des CACI, ce comité-là joue en fait un rôle de watchdog un peu. Et on a à son bord 3-4 ressources avec des expertises et des compétences dans certains domaines qui permettent de mieux gérer, mieux vulgariser l'information. Et de faire des recommandations à la compagnie, par exemple, sur certaines pratiques, et de rendre cette information-là publique aussi. Donc, ça vient jouer un rôle d'information, ça joue aussi un rôle politique, il ne faut pas se cacher, c'est-à-dire qu'on pousse aussi vers certaines pratiques, meilleures pratiques, et un rôle de concertation. Sans remplacer les lois, c'est clair. un ajout, mais c'est dans la même direction. Et pour ça, dans l'étude qu'on n'a pas pris, on n'aurait pas été capable, dans la mesure du temps alloué aussi, d'identifier les besoins de la communauté et surtout, c'est pas trop de la femme non plus, vu qu'on est des intervenants extérieurs. Comme tu le malartique, mais le message là, c'est d'avoir un premier comité. Monsieur Loka, ça va aller. Ben, merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai les représentants du conseil de la Première Nation Abitibi-Outaouais. Bonjour messieurs, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Mon nom, c'est pas vous présenter. C'est dans le conseil général du conseil. Bonjour, Steve Rankin, je suis conseiller, qui est représentant du conseil de la Première Nation des États-Unis. Bonjour, nous vous écoutons. Ok. Sur les sept aujourd'hui, mais on n'est pas venu pour débattre les relations entre la ville de Mélantic et la NIM. Je suis venu lire un document que le chef de Pictogan, Alice Jérôme. La communauté algonquine de Pictogan, située tout près de la ville d'Amos, fait partie de la Première Nation Anishinaabe, qui occupe depuis des temps immémoriaux ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ouest du Québec et la vallée de l'Outaouais. Le projet minier de la Canadienne Mélantique est quant à lui situé dans le territoire de la nation algonquine. Nous sommes ce territoire depuis des milliers d'années, mais le gouvernement du Québec agit comme si nous n'étions pas, nous n'existons pas, ou comme si nous n'étions qu'une nuisance négligeable. Il est évident que le gouvernement ne nous considère tout au plus comme un obstacle impertinent et agaçant. Est-ce qu'il croit être prérogative absolue de prendre des décisions qui affectent notre territoire? Nous voudrions rappeler que la nation algonquine au Québec n'a jamais renoncé à son territoire ancestral. Même si nous constatons que depuis l'arrivée des non-autochtones sur le territoire, ceux-ci ont imposé sur le territoire un système complexe de titres et de droits, sans se préoccuper de savoir si l'autochtone existant avait été éteint au préalable. Nous faisons savoir que ce comportement est juridiquement imprudent. Si nous nous rapportons au Code civil du Québec, le titre accordé sur le territoire serait en principe vérifié globalement au fait de l'existence continue du titre autochtone. Cette affirmation fait sourire les avocats et les notaires. L'évolution rapide des droits relatifs aux autochtones pourrait en faire réfléchir certains. Nous vous rappelons que la Cour suprême du Canada, depuis plusieurs années, a déjà reconnu dans plusieurs jugements importants l'existence de la validité du titre autochtone. Bien un jour, la logique derrière cette décision commencera à affecter la validité des décisions du gouvernement qui accorde à la légère des droits, dont celle d'autoriser l'exploitation de la mine canadienne Mélantique. Si nous étions à la place des promoteurs et des investisseurs de ce projet, je m'inquiéterais de savoir si le gouvernement du Québec est légal à être autorisé un tel sans obtenir au préalable l'autorisation des occupants originaux de ce territoire. Donc, nous ne reconnaissons pas au gouvernement du Québec le pouvoir d'octroyer des droits d'exploitation des ressources naturelles, dont les ressources minérales, sans notre permission et sans nous consulter d'abord. Nous, les détenteurs du titre non éteint sur le territoire, nous tenons à rappeler que ni passage du temps, ni l'imposition de la législation québécoise et canadienne sans notre consentement ne diminue la validité du titre et des droits qui en découlent. En d'autres mots, nul ne peut prescrire contre le titre autochtone, pour reprendre une expression juridique bien connue. Nous n'avons pas, pour l'instant, ni les moyens, ni les ressources pour faire respecter le titre sur le territoire et le gouvernement du Québec le sait. Ben, s'il s'informe de ce qui se passe dans le reste du Canada, le gouvernement du Québec devrait savoir qu'un jour, nous pourrons valoir, d'un ou d'un autre, l'intégralité de nos droits par rapport au territoire. On devrait un jour arrêter de nous considérer comme une curiosité touristique et folklorique. On devrait un jour retourner aux communautés des Premières Nations. Une partie des profits engendrés par l'exploitation des ressources naturelles se retrouvant sur notre territoire, puisque ces ressources nous appartiennent de droit. Nous savons que le Bureau de sciences publiques de l'environnement se préoccupe davantage de l'aspect environnemental et de l'impact social du projet, surtout à l'égard des personnes qui devront vivre à la proximité du projet. Mais nous, la nation algonquine, l'autorisation de démarrer le projet que nous savons déjà acquis d'avance par les promoteurs du projet. Nonobstant la validité des objections et préoccupations des citoyens des groupes environnementaux, est un autre exemple qu'on se souciera guère des droits des Algonquins dans le processus décisionnaire. Nous plaidons que les droits territoriaux des Autochtones devraient être autant considérés par un type d'audience que les questions portant sur l'environnement et la qualité de la vie des citoyens arrive par un projet qui laissera des traces. Nécessairement positif dans le paysage de la région pour longtemps après la fermeture éventuelle de la mine, chaque installation de la mine, chaque CAF accordé à une compagnie forestière, chaque agrandissement d'une municipalité, chaque forme d'aménagement du territoire, même avec les meilleures intentions, puis chaque construction de route, chaque intervention sur le territoire par les autorités locales, régionales et provinciales. Chaque geste de ce type affecte nos droits fondamentaux. Un jour, il faudra bien que le gouvernement du Québec se rende compte qu'on devrait tenir compte de la réalité des droits autochtones sur notre territoire ancestral. Nous ne sommes pas contre le développement responsable. Nous avons depuis longtemps accepté la présence des non-autochtones sur le territoire. Nous encourageons le maintien des rapports harmonieux avec nos voisins. Ce n'est pas la question. Ce que nous cherchons, c'est que le gouvernement du Québec tienne compte de notre présence sur le territoire et qu'il reconnaisse nos droits. Nous exigeons que le gouvernement du Québec nous respecte le type de peuple et respecte nos droits. Et que c'est pas l'éthique de notre égard et à l'égard de notre territoire devienne l'expression active et pratique de ce respect. Première recommandation. Nous faisons la recommandation devant le BAP que les questions autochtones doivent autant d'importance à l'évaluation d'un projet sur un territoire affecté par un titre autochtone non éteint que celle des rapports de l'environnement et la qualité de la vie des gens affectés plus ou moins directement par un projet comme celui-ci de la Canadienne Malartique. Nous espérons que le BAP considérera avec sérieux notre recommandation. Deuxième recommandation. Nous demandons également que si ce projet devrait être soumis à un processus d'évaluation de la part du PAP, afin qu'un territoire autochtone dont le site n'a pas été éteint, que l'organisme a un avis suffisant de la Première Nation affectée par le projet pour que cette dernière puisse prendre le temps nécessaire de répondre à une manière adéquate sous la forme d'une présentation de mémoire. Nous recommandons subsidiairement que le gouvernement du Québec accorde à la Première Nation concernée les ressources financières nécessaires pour pour permettre la production de ces mémoires, qu'une politique soit élaborée à cet effet et qu'on de concert avec les représentants des Premières Nations. Un commentaire présenté par écrit par le chef Alice Giraud. Merci beaucoup. Et est-ce que le projet, présentement, à la connaissance du projet que vous avez, est-ce qu'il assiste directement, comment vous êtes affecté dans votre vie de tous les jours par ce projet-là? Oui, c'est une continuation. C'est pas le projet lui-même peut avoir plus ou moins d'impact. Si on ne le saura jamais parce qu'on n'a pas les détails techniques concernant ça. J'ai aimé la présentation de Lucas qui avait été faite précédemment parce que tous les exemples qu'on connaît concernaient souvent d'ailleurs les peuples autochtones qui n'ont pas traité ou pas entendu déterminer des formes de consultation. Parce que depuis les arrêts de la Cour suprême là, dans Haïtien Nation et Macou River, on demande maintenant que lorsque ils doivent faire l'objet d'une négociation, le niveau de consultation est beaucoup plus profond qu'il l'avait déjà été avant. Même le gouvernement du Québec a déjà élaboré une certaine politique de consultation à l'égard des Premières Nations qui sont en négociation. D'ailleurs, c'est à vous appuyer le mec. Et où ils nous le présentent. Pour les Algonquins, et qu'on n'est pas encore rendu là, on est rendu au niveau où on va décider de savoir si on va entrer en négociation ou si on va passer par les tribunaux pour la question du titre. Ça, c'est très important, ça. Nonobstant, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on demanderait, nous, que par rapport à n'importe quel projet, Malartic, c'est juste un exemple. Par rapport à n'importe quel projet qui affecte le territoire, qui affecte la surface du territoire, dont le titre est toujours sous-jacent, là, que le niveau de consultation soit plus approfondi à l'égard de la Première Nation. Parce que, comme vous savez, c'est pas une question d'environnement, c'est une question aussi d'économie, de politique, d'emploi, de formation. Il y a toutes sortes d'impacts qu'un projet peut avoir. Et puis, c'est dans les fameux traités, ce que Lucam vous présentait tout à l'heure, c'est qu'on prévoit toutes les choses-là à l'intérieur du traité. Et généralement, les compagnies minières ou les compagnies qui exploitent la ressource acceptent généralement assez bien ces conditions-là. Alors, c'est un peu comme si on voulait transposer ce qui se faisait ailleurs dans notre contexte, nous. On n'a pas eu le temps, évidemment, de savoir qu'est-ce qu'il allait mettre comme produit chimique ou qu'est-ce que ça allait avoir comme impact sur le territoire en général. Je sais que les mines, de façon générale, ont un impact généralement local, généralement par rapport à d'autres types de projets, comme des projets hydroélectriques qui peuvent inonder des grands territoires. C'est sûr, mais il reste quand même que ça nous affecte à différents niveaux. Et puis c'est pour ça que la présentation qui est faite, c'est que pour la prochaine fois, quand il y aura un autre projet un projet d'exploitation minière ou un projet d'exploitation forestière ou la construction de chemins, et qu'il y a des audiences du plan, et à ce moment-là, que les Premières Nations soient suffisamment informés pour être capable de présenter des mémoires qui ont de lieu et qu'on puisse avoir le sentiment d'être consulté de façon significative. C'est ça le sens de présentation. C'est pas comme si on inventait quelque chose de nouveau. Les écrits l'ont déjà dans la Convention de David James, ce type de processus-là. Et dans si vous regardez les textes des négociations avec les Africains et nous, vous allez voir également des chapitres entiers sur la notion de consultation. Alors, pourquoi on traitait les Algonquins de façon différente quand ils sont pas rendus à cette étape-là? Sauf que les Algonquins ont quelque chose qui est toujours là, le titre, et le titre donne accès, justement, à cette négociation-là, ou accès aux tribunaux pour avoir le même effet de toute façon. D'autres, en d'autres mots, d'une façon ou d'une autre, vous allez être confronté à la réalité de la présence algonquine sur le territoire. On voit ce qui se passe à travers le Canada et il y a nous autres ici. Et c'est clair. Merci beaucoup, M. Toka. J'aurais une question à savoir. Est-ce que c'est la première réaction ou la première information que vous utilisez par rapport à ce projet-là au Samandis? Est-ce que vous avez aussi contacté à d'autres niveaux au gouvernement ou c'est votre premier contact avec ce projet? Il y a déjà le conseil tribal qui a présenté la nation dans son entier qui a commencé à réagir. Nous, c'est la première fois qu'on réagit parce que vous comprendrez qu'une communauté d'à peu près 600-700 habitants n'a pas nécessairement les moyens de se concentrer sur ce projet particulier-là. On a des issues, comment dire, des questions d'éducation, des questions de santé, des questions de légales, il y a toutes sortes de choses qui nous préoccupent. On n'a pas vraiment ni les moyens, ni le temps de s'occuper de, par exemple, de la mine monastique comme telle. On aurait voulu, mais on n'est pas vraiment capable. On n'a pas les structures pour ça. Ça viendra, mais on ne l'a pas présentement. Et on pense plutôt que ça va peut-être être un conseil tribal, une fois qu'il se sera développé lui aussi dans le sens de son autonomie gouvernementale, il aura les ressources et la capacité de pouvoir mieux réagir devant des projets comme ça. Je voudrais juste ajouter un fait, c'est que les Algonquins sont pas contre le développement. Il y a bien des gens, s'imaginent qu'on veut retourner là, à la pratique là, des canaux là, qui se promènent ces lières et la tête de fourrure et des affaires comme ça. C'est ça du tout. Les projets comme celui de Malartic ou les projets hydroélectriques sont également des projets de développement économique pour la communauté. Mais si vous aviez l'input nécessaire à partir de la communauté, on serait capable de mieux harmoniser nos relations si on avait l'impression d'être vraiment consulté. Alors, la communauté de Picogan, c'est la première fois qu'on réagit devant un projet comme ça. Et parce que maintenant, on a décidé politiquement de commencer à réagir, on ne sait pas trop trop, c'est comme nos premiers pas là, devant un phénomène de ce type-là, mais c'est clair qu'à partir de maintenant, on va dire quelque chose. Merci. Grand merci. Beaucoup. Maintenant, j'inviterai les représentants de la CSN Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec. Bonjour, mon nom est Donald Roux, je suis président du conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, CSN. Je suis accompagné de ma collègue de la CSN, Isabelle Ménard. On va faire la présentation en tandem. Bonjour, monsieur le commissaire. Alors, le conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, CSN, remercie le bureau des audiences publiques sur l'environnement et ses membres de nous offrir l'opportunité de présenter notre réflexion et nos commentaires au sujet du projet mini-orifère canadien à Malartic. Notre contribution à la présente consultation s'inscrit dans une perspective de gestion de projets transparents, de création d'emplois stables, sécuritaires, de protection de l'environnement dans une perspective de développement durable. Le Conseil central compte plus de 65 syndicats et regroupe 5000 travailleurs et travailleuses dans tous les secteurs d'activité, lesquels sont essentiels pour la survie de nos deux régions. Les membres du Conseil central sont interpellés à double titre, comme travailleurs et travailleuses, comme citoyens et citoyens, directement et indirectement par les divers impacts liés au projet minier, tant sur la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses que sur la santé publique et les écosystèmes. La région déjà bien hypothéquée par les activités passées et actuelles. Nos commentaires et inquiétudes ont été soulevés par plusieurs groupes de la région. Nous écrivons ce mémoire pour démontrer notre solidarité envers ces groupes, le comité de vigilance de Malartic, la coalition pour que le Québec ait une meilleure mine, le comité régional en environnement de l'Abitibi-Témiscamingue et pour que la région devienne maître de son territoire. Alors, brièvement, la description du projet, on sait que ce projet comporte 5 principales composantes. Alors, une fosse à ciel ouvert, un complexe minier, un parc à résidus, une halte à stérile et un bassin de polissage. Alors, afin de réaliser son projet, Francisco doit exercer près du cinquième de la ville de Malartic, soit environ 200 résidences et 5 institutions publiques. Toutefois, cette opération est déjà très avancée, et ce, avant même que le projet n'ait été examiné par le BAF et approuvé par le gouvernement. Il s'agit d'une grande anomalie par le processus d'examen des impacts. N'est-ce pas une façon subtile de discréditer le travail du BAF et de toutes les consultations concernées, et par le fait même, de nous placer devant un fait accompli? Un projet de mine à ciel ouvert de cette envergure soulève de sérieuses questions tant qu'à ses impacts sociaux et environnementaux. Il est à noter que ce type de développement génère souvent un passé environnemental beaucoup plus important que des mines souterraines. Le projet Ossitico, fort tonnage et faible tonnage, produira lui seul 3 fois plus de résidus miniers que l'ensemble des mines de la région. La compagnie minière Ossitico propose d'extraire quelques 300 millions de mètres cubes de roches directement du sol de la municipalité de Malartic, sur une période allant de 9 à 14 ans maximum, selon les documents consultés. Ossitico laissera derrière elle à la fois une montagne de résidus miniers et un trou de 2 km de long par près d'un kilomètre de large par 400 mètres de profondeur. Dans la problématique. Alors, les produits minéraux sont essentiels à répondre aux besoins matériels des consommateurs et des industries, ainsi que pour le développement économique. Toutefois, et malheureusement, encore maintenant, de nombreuses explorations et exploitations minières se sont faites avec peu de respect de l'environnement, des valeurs sociales et culturelles des populations touchées. Des intérêts fort variés sont en cause lors des activités minérales. Au premier plan, il y a les travailleurs et les communautés locales. Au niveau des travailleurs, ils veulent que l'entreprise reste en exploration le plus longtemps possible. Ils souhaitent une amélioration de la santé et de la sécurité, une meilleure vie communautaire et un traitement équitable au cours des opérations et lorsque l'exploitation prendra fin. Les collectivités locales veulent que l'industrie crée des emplois, installe des infrastructures et génère d'autres retombées pour compenser les risques et les impacts qu'elles subissent et faire en sorte qu'elles se retrouvent dans une meilleure situation à la fin d'un projet minier qu'à son début. L'industrie minière commence à se préoccuper de leurs responsabilités sociales auprès des communautés locales et auprès de la main-d'œuvre. D'ailleurs, au sujet de la responsabilité sociale des entreprises minières, une table ronde nationale et de négociation a développé une série de recommandations dont l'obligation de soumettre un rapport au GRI. La responsabilité sociale des entreprises minières et des investissements responsables sont à peu près inexistants comme défi d'avenir en lien avec la présente consultation. L'étude d'impact et de nouveau des nombreux documents connexes donnent le ton au projet. Et la corporation tente de rassurer la population en faveur du projet et donne l'assurance que le projet va se réaliser malgré tout. On sent bien le rôle limité du BAF et de la consultation. Bien qu'il s'agisse d'un projet qui aura un impact important tant qu'à la revitalisation économique et sociale d'une région, bien affaiblie par les fermetures. Le Conseil central verra que l'exploitation minière exploite, restaure, ferme la mine et verse les redevances au gouvernement telles que préconisées par le droit minier, et ce, sans y laisser une empreinte écologique désastreuse. Tant pour revenir sur les états de fait, nous pouvons dire que l'activité minière est passée maître dans l'exploitation des richesses naturelles et humaines sur la planète en laissant les sols, l'eau souterraine et l'eau potable contaminées, en bafouant les droits de la personne et en ruinant des vies de civils et des peuples des Premières Nations. Des pratiques douteuses sont aussi le lot de plusieurs compagnies minières, ne laissant aucun choix à la population, en soutenant le manque de transparence et en bafouant les règles de la démocratie appuyées par les gouvernements locaux, complètement à la merci de cette industrie. L'image corporative du secteur minier est à refaire et le Conseil central souhaite que la corporation profitera de cette occasion pour intégrer des pratiques de responsabilité sociale de l'exploitation à la fermeture complète de la mine. Toutefois, nous avons déjà lieu de nous interroger sur la transparence en raison de la rapidité avec laquelle les audiences ont lieu, la somme d'informations déposées en complément de l'étude d'impact et le calendrier des dépôts des mémoires. Oui. Ce qui va suivre, ce sont des observations, des questionnements que nous avons eus lors de l'étude d'impact. Alors, le premier point, nous avons ciblé des points, étant donné qu'il y a beaucoup d'informations. C'est concernant la surveillance environnementale. Il y a beaucoup d'informations disponibles, comme on l'a mentionné. Nous constatons que les aspects de prévention en lien avec le programme de surveillance environnementale nous apparaît plus solide parce que à la page 69 du résumé de l'étude, il est mentionné que la surveillance sera exercée par un surveillant en continu appuyé par un surveillant en ingénierie et de d'autres professionnels. Alors, on se demande quelle sera la formation de ce surveillant et comment il va arriver à faire une surveillance environnementale adéquate là, sur les lieux de l'exploitation de l'usine avec une petite équipe. On aimerait ça savoir comment ça va être organisé, quelle sera l'organisation du travail de cette équipe-là s'il y a lieu. À la suite de l'autorisation du projet, nous convenons que le surveillant devra assurer le respect des engagements d'études d'impact et les obligations qui découlent de l'article 31.1 de la loi sur la qualité de l'environnement. Quel sera aussi son pouvoir de juridiction s'il y a des anomalies, par exemple, au niveau environnemental? Aura-t-il le pouvoir d'émettre des avis ou des amendes? Nous proposons que la surveillance des travaux soit réalisée dans une agence indépendante où, bon, tout à l'heure, Lucas m'a mentionné par des ententes, j'étais moins au courant, mais je trouve ça intéressant comme approche, qui aurait toute la liberté d'agir en cas d'infraction de non-respect là, des émissions au niveau de la contamination atmosphérique souterraine. Cette dernière pourrait être constituée de citoyens de la région, de facteurs, de professionnels et de représentants de l'entreprise. Il est indiqué également à cette page que 4 types d'inspections seront menées par le chef de section d'exploitation. Comment ces inspections seront menées, coordonnées avec celles du surveillant? Depuis la corporation suppose qu'une seule personne sera titrée aussi également à ces 4 types d'inspection. Cela nous semble un peu impraticable. Nous aimerions également fournir des informations supplémentaires au sujet de l'organisation de l'équipe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est un peu aussi l'application du principe de précaution parce qu'à partir d'une bonne équipe de suivi et de surveillance environnementale, je pense qu'on est en mesure aussi d'intervenir rapidement et de faire en sorte d'éviter des catastrophes là, auprès de la population. C'est dans ce sens-là là, qu'on a déposé là, nos arguments là, dans la mémoire. Ensuite, il y a un autre sujet sur lequel nous sommes attardés, c'est celui de la santé publique et des écosystèmes. Alors, la santé de la population et celle des écosystèmes sont déjà éprouvées par les activités minières antérieures. L'information disponible dans l'étude d'impact, que ce soit par exemple l'analyse toxicologique qui a été faite, était pratiquée uniquement auprès de la silice. Bon, on comprend pourquoi, parce que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de poussière et puis c'est une des composantes de la roche. Là. Je ne suis pas géologue, mais je crois que c'est le cas. Et ainsi qu'un complément d'information concernant la persistance du cyanure, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Et on remarque aussi qu'à l'annexe 5 du document, la liste des mesures d'atténuation nous incite à croire que les impacts miniers auront peu de répercussions sur la santé de la population et les écosystèmes. Les mesures des impacts se situent entre moyens, sans objectif et positifs. Pose un peu des questions par rapport à cette évaluation-là. D'ailleurs, le comité de vigilance et la coalition notent les mêmes failles au projet. Et en effet, l'analyse toxicologique est réalisée uniquement sur l'impact de la silice, comme je l'ai mentionné plus tôt. On ne retrouve aussi également aucune information concernant l'évaporation ou l'émanation de cyanure d'hydrogène, de soufre ou de dioxyde d'azote et d'ammoniac lors des différents procédés chimiques d'extraction de l'air ou durant le dynamitage. Alors, si on revient juste un peu pour le cas du canon, parce qu'on, comme vous le savez, ça va être une extraction chimique à base de cyanure qui est assez complexe. Et le complément d'information émis par Ginibar au sujet du cyanure d'hydrogène mentionne à la deuxième page qu'il y a des mythes et une méconnaissance du cyanure. L'accent est mis sur le fait qu'il ne se bioaccumule pas. La toxicité des contaminants n'est pas seulement reliée à la bioaccumulation. Je prends un exemple comme le formaldéhyde qui ne bioaccumule pas. Bon, on sait très bien qu'utilisé de façon chronique jour après jour par des travailleurs, il est aussi une substance à risque au niveau de la santé sécurité là, pour la cause de cancer au niveau des voies respiratoires et de la trachée. Alors, le comportement chimique du cyanure dans l'environnement est très complexe. Le pH de l'eau ou du sol est un facteur déterminant des différentes formes chimiques du cyanure et de sa toxicité. Le cyanure libre étant le plus toxique, c'est une toxicité liée au fait qu'il pénètre rapidement dans l'organisme par injection ou inhalation et qui se fait dans une série de réactions enzymatiques qui provoquent une acidité chimique. Le cyanure dans l'eau peut aussi se volatiliser. Toutefois, bien que dans l'étude d'impact, la consommation de produits chimiques qui est mentionnée, nous aimerions connaître les concentrations utilisées du cyanure de d'autres produits. On nous mentionne qu'on va utiliser 10 tonnes environ là, sur l'ensemble du projet, mais au bout du compte, à la fin, quand on va avoir l'espèce de boue là, qui va être formée, ben, qu'est-ce qu'on va retrouver là, puis quels sont les risques de servicer et que ça se retrouve en dehors du bassin de polissage ou du parmi, là. Un autre point sur lequel on s'est concentré, c'est la halle d'aspéril, qui est l'aire d'entreposage où sont recueillies les roches sans valeur économique. Selon la composition de la roche, bien, le mode de construction de la halle et les conditions climatiques peuvent engendrer en tout cas des réactions chimiques et l'interaction entre les minéraux sulfureux, l'eau, l'oxygène peuvent produire un drainage minier acide, d'où les écoulements de ces eaux provoquent des catastrophes écologiques et un changement au niveau des écosystèmes du sol et de la fonte. Et des métaux tels que l'arsenic peuvent se bioaccumuler dans le réseau trophique alimentaire. Et un contrôle de la consommation locale de poissons s'impose si les risques sont bien réels. D'ailleurs, l'acidification du sol favorise la solubilisation de d'autres métaux qui vont être entraînés par l'extraction minière. Plusieurs sites abandonnés sont le résultat d'activités de compagnies qui sont maintenant introuvables ou insolvables en raison de la fluctuation du prix des métaux et d'une mauvaise gouvernance. Je reviens encore sur le complément d'information concernant le cyanure. Il est mentionné que la phase gazeuse se forme autour de 25,7 Celsius que peu de jours par année sont susceptibles d'atteindre cette température. Je vais juste vous signaler que vous êtes rendu de 15 de minutes. Vous peut-être quelque chose à dire. Oui. Vous pouvez peut-être résumé. D'accord. Bon, je vais passer, j'avais la section de l'étude suivie sur l'effluent minier qui sort du bassin de polissage. Mais bon, vas-y, Donald, sur le transport des matières dangereuses. Il y avait un élément qu'on voulait vous soumettre sur la question du transport des matières dangereuses. Alors, dans les présentations, les documents qu'on a eus, c'est tout par 4 millions. Alors, on pense que on questionne sur pourquoi que le train n'a pas été favorisé dans le transport des matières dangereuses, alors qu'il y a un effet un petit peu moins au niveau des gaz à effet de serre. Alors, pour ça, bon, on voulait vous en faire part dans notre mémoire. Il y a toute la restauration du parc minier qu'on nous a émis là-dessus. C'est tout le questionnement qu'on avait aussi au niveau du pourcentage. Alors, on sait que c'est une garantie financière de 70%. Alors, nous, on aimerait que ce soit 100% assumé par les compagnies minières. On se demande pourquoi que 30%, là, le 30% de gaz était là. Alors, il n'y a plus de raison d'être là. Alors, nous, on exige que ce soit 100%. Au niveau de la restauration de la fosse, il y a trois scénarios qui avaient été proposés qui reviennent essentiellement aux mêmes. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Alors, on doit justement là, permettre là, d'avoir une remplissage de la fosse là, en mettant de la végétation également et en mettant des haltes stériles pour qu'on puisse renflouer la fosse là, et tout permettre la revégétalisation. Ça doit être permis là. On doit en faire un petit peu plus. Et je pense que c'est que nous, on voulait laisser le message au niveau de la restauration de la fosse, c'est qu'il faut restaurer la sauce, la fosse, de manière à ce que la population puisse avoir un endroit qui soit le plus près possible de son état avant les travaux. Alors, je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit, là, qu'il faut que ce soit mis en valorisation, la fosse. Il y avait un élément aussi qu'on voulait vous soumettre, cette question de service à la population. Alors, il est indiqué qu'il va y avoir une ligne téléphonique qui va être en disponibilité. Alors, on se questionne, là, ça va répondre où, ce téléphone-là? Est-ce que ça va être aussitôt qui va gérer la ligne téléphonique? Alors, on questionne beaucoup, là, cette utilisation-là. On trouve ça intéressant, mais on doit les gratter un petit peu plus là, pour pouvoir... ça va servir à quoi, en fin de compte, cette... présence de service à la population. On dit qu'on manque de temps. On avait fait une analyse un petit peu là, sur la loi des mines. Là. En fait, en discutant avec d'anciens des mineurs aussi, là, on s'est aperçu souvent que la loi des mines n'était pas respectée. C'est ce qu'on a dans la mémoire. Là, qu'on aimerait ça qu'elle soit minimalement respectée, soit le droit de miner ou la loi des mines et le règlement qui s'en suit, là, quand ce qu'on entend, c'est pas au niveau de l'inspection, c'est pas au niveau des amendes qu'il y a des infractions. Et puis, au niveau de la main-d'œuvre, bon, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de main-d'œuvre et que, bon, je vais m'expliquer qu'au Québec, estime peut-être 4000 de nombre de nouveaux emplois à combler, peut-être pas juste ici, mais dans l'ensemble de d'autres projets miniers. Pour attirer les travailleurs du secteur premium, notamment les jeunes, et concurrencer les compagnies d'envergure internationale, bien, pour la rétention de la main-d'œuvre, les compagnies minières devront d'abord miser sur les conditions de travail, l'accès à des avantages sociaux, la santé, la sécurité, la formation en entreprise et la stabilité des emplois. Et puis, à la page 13, au deuxième paragraphe, finalement, nous croyons que pour relever ce défi, le comité sectoriel de main-d'œuvre des mines devrait être un forum privilégié ou qui devrait avoir son mot à dire là, sur la formation de la main-d'œuvre et puis peut-être la réorientation de certains travailleurs, puisque beaucoup d'entreprises qui ont fermé leurs portes en foresterie, il y en a peut-être certains qui sont intéressés à être réorientés dans ce secteur-là, quoique très différent, mais il y aurait une possibilité probablement de ce côté-là. Alors, le troisième paragraphe, l'exploitation minière ayant une durée d'exploitation limitée, l'industrie étant fortement soumise aux fluctuations sur le marché mondial, nous devons mieux gérer sa nature cyclique. Nous recommandons la mise sur pied d'un fonds de gestion de la richesse minière qui permettra de générer des retombées économiques et sociales à long terme dans les régions et pour l'ensemble des Québécois, pas seulement exploiter puis partir puis laisser les communautés puis les travailleurs là, le bec à l'eau, là. Alors, c'est ça qu'on cristallise. Alors, Donald, on est rendu aux recommandations. Alors, voilà, on a soumis quelques recommandations dans un contexte de développement durable. Alors, la décision d'entreprise d'entreprendre des projets, un ou des projets miniers dans une région, peut être prise démocratiquement entre les différents intervenants, alors les compagnies, les gouvernements, les groupes locaux, les Premières Nations et la population. Elle doit être fondée sur une évaluation intégrée des répercussions environnementales et socio-économiques dans des délais permettant d'acquérir une connaissance solide du dossier. Alors nous, on est favorable à l'effet qu'on ait un débat présentement au niveau de la conférence qui se soit orchestrée par la conférence régionale des élus, qu'on puisse, là, considérant là, l'avènement des projets miniers à ciel ouvert, qu'on puisse en faire un débat public, un débat régional. Alors, ça s'inscrit dans ce volet-là. Nous proposons également que la surveillance des travaux soit réalisée par une agence indépendante qui aurait toute la liberté d'agir en cas d'infraction. Cette dernière pourrait être constituée des citoyens de la région, des personnes, des professionnels et des représentants d'entreprises avec des pouvoirs équitables pour chacun des représentants. En vertu de la loi des mines, les articles, je ne vous ferai pas la liste, là, mais vous avez les plusieurs articles qu'on veut qu'ils soient, devraient être appliqués par un inspecteur du gouvernement, tout autorisé en vertu des articles 251. Les articles 278, 279 et 281 concernant le droit du ministre de suspendre ou de révoquer le non-respect des échanges de bail et de loyer, de forage et de fraude ou de fausse représentation doit être renforcé. Il y a lieu de donner des pouvoirs étendus aux inspecteurs miniers. Il faudrait hausser les amendes prévues concernant les articles 318 et 321. Les montants des amendes prévues pour sanctionner le manquement aux articles 230 et 232 sur la loi des mines, la loi sur les mines, est trop faible et devrait être plus élevé pour être plus dissuasif. Un des inspecteurs devrait être prévu pour faire respecter le plan de restauration et ainsi éviter que les résidus se transforment en aire de dépôt abandonnée et que l'on puisse poursuivre les compagnies délinquantes. Alors, on doit mettre un mécanisme en place pour ça. Que le gouvernement et le ministère se donnent un nombre suffisant d'inspecteurs miniers pour appliquer la loi sur les mines avec toute la rigueur qui s'impose pour éviter que se poursuivent les pertes de ressources minérales non renouvelables et qu'il accorde la priorité à la création d'emplois stables. L'industrie minière doit changer de mentalité et devrait intégrer des politiques sociales ou corporatives au sein de ses activités. Pour attirer les travailleurs et travailleuses dans le secteur des mines, les compagnies minières devront miser sur des avantages sociaux, la santé, la sécurité, la stabilité des emplois et la protection de l'environnement. En prévision de la fermeture de la mine, le plan de restauration du site minier devrait être présenté avant l'ouverture de la mine. De plus, la loi sur les mines ne devrait pas seulement exiger des garanties, mais un véritable fonds, à même une cotisation des compagnies minières avec un montant qui couvrirait ses coûts, compte tenu de la durée d'exploitation limitée dans le temps et des effets prévisibles sur les communautés locales. Lors de la fin de l'exploitation minière, nous recommandons des mesures suivantes. Réaffecter les travailleurs en cas de fermeture, former les travailleurs en cas de fermeture, investir pour réorienter les activités économiques du site, renforcer le réseau social par des activités pour réactiver la vie communautaire. Et notre 12e recommandation, alors qu'on favorise le transport des matières dangereuses par train. Merci beaucoup. Oui, j'aurais une question concernant en relation avec le cyanure à la page 8. Étant donné que j'ai bien compris comme organisation, vous êtes assez proche du milieu des travailleurs dans la région. Alors, je me demandais, est-ce que la Mitsubishi-Témiscamingue, j'ai bien compris, c'est une région où il y a eu beaucoup d'activités minières, où le cyanure est utilisé depuis quand même longtemps. Alors, est-ce que vous auriez des statistiques que vous pourriez ajouter à l'effet que c'est de la nature du problème que cette région, la présence du cyanure, que ça peut créer en termes de... Est-ce que des maladies qu'on identifie, est-ce qu'on a des données sur l'impact historique, au moins qu'aujourd'hui, sur l'utilisation du cyanure dans les mines d'or en région? Je rapporte de Santé Canada que j'ai avec moi, que je pourrais vous montrer, qui... Non, pas ici, mais juste le déposer. Oui, c'est ça. Je pourrais vous le déposer, qui explique les différentes façons d'extraire l'or, puis les concentrations qu'on peut trouver, puis les impacts sur... Mais est-ce que ce rapport donne des statistiques sur les incidences dans la région, les opérations minières, utiliser le cyanure? À ce niveau-là, j'aimerais pouvoir appuyer, en fait, comme on disait, on est bien conscient que le cyanure, c'est quand même, ça a des caractéristiques néfastes, mais ce serait important d'être capable d'appuyer à savoir est-ce qu'il y a des statistiques qui permettent d'indiquer que jusqu'à aujourd'hui, dans la région, l'utilisation du cyanure dans les processus de traitement de minerais a causé des incidences néfastes. C'est un peu délicat. Soit c'est une préoccupation réelle ou c'est une préoccupation, mais comment est-ce qu'elle est prise en compte et quels ont été les impacts? Et je vais vous laisser l'adresse Internet du rapport sur lesquels. Puis il y a des annexes avec je pense qu'il y a des statistiques aussi. Ah, très oui. Bien. Voilà. D'autres commentaires? Bien, merci beaucoup. Non? On vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup. J'inviterai maintenant les représentants du Conseil régional de l'environnement de la Abitibi-Témiscamingue. Des aspects de logistique. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, mon nom, c'est Jacinthe Châteauvert. Je suis assistante du conseil d'administration du conseil régional de l'environnement de Témiscamingue. Je suis accompagnée de notre directeur général, M. Simon Lacaire. Donc, je vais faire la présentation du mémoire. Je vais le lire en partie et je vais garder pour la conclusion les recommandations qu'on propose. Donc, je vais vous présenter notre organisme. Le Conseil régional de l'environnement est un organisme à titre administratif créé en 1975. Il s'agit d'une table de concertation régionale dont le conseil d'administration est composé de représentants de groupes environnementaux, du monde de l'éducation, du monde de la santé et du monde municipal. La mission du CREAS est de promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement dans une optique de développement durable. Nous entendons par développement durable un développement qui permet à la génération actuelle de répondre à ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le respect de la capacité de support de l'environnement est donc la condition de base d'un développement durable. Au cours des dernières années, le CREAS a été particulièrement actif dans divers dossiers ayant trait au développement minier. Soulignons la campagne de sensibilisation pour la restauration du parc carrézu minier abandonné à Albermatt de 2005 à 2007, qui est présentement en restauration. Le dépôt de mémoire dans le cadre de la consultation sur la stratégie minérale du Québec en 2007. La participation à une table ronde lors du symposium 2008 sur l'environnement et les mines. Et l'organisation d'une activité de réflexion sur les mines à ciel ouvert en mars 2009. Donc, la tenue de la commission d'enquête du bureau d'audience publique en environnement sur le projet de mine à ciel ouvert de la corporation minière Ostico-Amalactique marque un jalon important dans l'histoire minière de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la première fois qu'un projet minier est soumis à cet examen public en région. La présente audience publique nous apparaît capitale compte tenu de l'ampleur du projet par rapport à la quantité de minerais extraits par jour, la dimension de la fosse, la consommation d'eau et d'énergie, la gestion des risques associés au bruit, à la poussière, aux vibrations et à la possible contamination des eaux de surface et souterraines. Un tel projet titanesque est jamais vu en Abitibi-Témiscamingue, même au pays. Le fait que le projet canadien Malartic soit situé en zone habitée est extrêmement important et doit toujours être gardé à l'esprit lors de l'évaluation des impacts et des risques. En effet, bien que la composante sociale du développement durable soit relativement facile à prendre en compte dans des projets miniers localisés en région éloignée, il y aura tout autrement lorsqu'un projet est prévu à tout au plus quelques centaines de mètres des habitations les plus proches. L'approbation éventuelle du projet canadien de Malartic par le BAP pourrait créer un précédent dont les implications seront majeures pour la région, notamment en ouvrant la porte à d'autres projets du même type. Dans ce contexte, l'usage du principe de précaution est crucial, sachant que les décisions qui sont prises aujourd'hui auront des incidences majeures à la grandeur de la région et pour des décennies à venir. Soulignons qu'à la demande de plusieurs groupes locaux et régionaux, le CREAT a organisé le 30 mars dernier une soirée de réflexion sur les mines à ciel ouvert. Cette activité a constitué une tribune importante permettant à la population de débattre du sujet global des mines à ciel ouvert, en particulier du projet canadien de Malartic. Près de 100 personnes étaient présentes. Des citoyens de Malartic et d'ailleurs en région, des représentants de plusieurs compagnies minières, des membres de la communauté des Premières Nations, des groupes environnementaux, des fonctionnaires ainsi que des chercheurs universitaires. Des constats forts pertinents ont émané de cet événement. Le président mémoire en son rapport et posera les préoccupations et les recommandations du CNAP face au projet canadien de Malartic. Dans un mémoire déposé en 2007 dans le cadre des consultations sur la stratégie minérale du Québec, le CREAP posait la question suivante, toujours pertinente, particulièrement dans le cadre du projet canadien. Comment entend-on concilier développement durable et exploitation minière, considérant que les ressources minérales ne sont pas renouvelables? Le CREAP est en faveur d'un développement qui utilise les ressources de façon optimale, qui fait largement place à la participation citoyenne et qui tient compte des impacts à long terme. Le vrai développement durable devrait en effet permettre de garder un territoire accueillant et viable à long terme. Le gigantisme des installations projetées, la cadence effrénée d'exploitation et la courbe du durée de vie du projet canadien de Malartic, 15 ans, nous apparaissent contraires à ces principes. Par rapport aux impacts sociaux, on s'attarde sur la relocalisation des maisons et d'institutions. Dans l'Abitibi-Témiscamingue, la cohabitation des minières avec les communautés est chose difficile en raison de la préséance de la ressource minérale sur toute autre considération d'ordre social ou environnemental, ce qu'on appelle le free mining. Le projet canadien de Malartic a la double particularité d'être une exploitation à ciel ouvert localisée en Nouvelle-Zélande. Dans ces conditions, il est nécessaire de redoubler d'efforts et de précautions pour réduire et mitiger les impacts de cette exploitation sur la population et l'environnement de Malartic. Les ententes de gré à gré avec les propriétaires de restaurants créent beaucoup d'insatisfaction et d'animosité dans la communauté. C'est ce qui ressort de nombreux témoignages entendus lors de la première partie des audiences publiques et lors de l'activité de réflexion sur les mines à ciel ouvert organisée par le CREAP. Les gens sont laissés à eux-mêmes, pratiquement sans défense et en très mauvaise posture pour négocier face aux géants hostiles. L'image de David et contre Goliath est d'ailleurs souvent reprise par les gens qui s'expriment sur le sujet. Des mesures auraient dû être prises afin que le promoteur puisse, le promoteur attende les résultats des audiences publiques avant de procéder au déménagement. Que des sommes suffisantes soient déposées à l'avance dans un compte dans le pays commis pour assurer que le déménagement serait complété, peu importe que le projet démarre ou pas. Le gouvernement aurait dû informer adéquatement la population, la relocalisation s'est déroulée de gré à gré avec les propriétaires, n'était théoriquement pas liée au projet. À l'avenir, aucune relocalisation liée au projet minier ne devrait être autorisée sans procédure d'évaluation et sans que toutes les autorisations gouvernementales nécessaires n'aient été obtenues. De plus, tout projet de mine à ciel ouvert en milieu urbain, et on insiste sur le milieu urbain, devrait nécessairement obtenir l'appui d'une majorité ou deux tiers de la population de la communauté concernée par voie de référendum. Les Premières Nations. Lors de la première partie des audiences publiques et au cours de l'activité de réflexion sur les mines à ciel ouvert, plusieurs membres des Premières Nations ont mentionné ne pas avoir été consultés, malgré que la mine se trouvera manifestement en territoire acquis. De récents jugements de la Cour suprême du Canada ont pourtant réaffirmé l'obligation de consultation qui incombe au gouvernement envers les Premières Nations dans les cas d'exploitation des ressources naturelles. Le projet canadien de Malartic est situé sur des terres qui n'ont jamais été cédées par les Algonquins. Le gouvernement du Québec et la corporation minière Ossisco ont failli à leur devoir en omettant de consulter les communautés autochtones lors de la planification du projet canadien de Malartic. Au niveau des impacts environnementaux, pour les eaux de surface, selon l'étude d'impact environnemental, le promoteur prévoit de mettre en place des mesures d'atténuation afin de réduire les émissions de poussière vers les résidents par l'arrosage du sol avec de l'eau ou des abats. Par contre, le CREAP s'interroge sur la possibilité que des poussières retombent sur les eaux de surface, réduisant ainsi la transparence de l'eau et causant des changements importants dans cet écosystème. En effet, certaines espèces de poissons ou de végétaux ont besoin d'un certain niveau de transparence de l'eau et pourraient être remplacées par d'autres espèces plus tolérantes à des niveaux moindres de transparence. Ces poussières pourraient aussi affecter la productivité des lacs et accélérer leur eutrophisation. Au niveau de la gestion des résidus miniers et la restauration du site, D'un côté, le promoteur offre un gain environnemental par la restauration de l'ancien particule de résidu minier, de la rive malartique, à l'aide de résidus épaissis, et de l'autre, il crée une perte d'utilisation du territoire par l'immense propos qui plaît sur restant noyé naturellement et par l'empilement d'une halle d'acétyle de près de 100 mètres de hauteur. Le remblaiement des mines à ciel ouvert est une technique de restauration utilisée depuis plus de 100 ans. Que ce soit la mine d'or Castle Mountain en Californie, la mine de cuivre Flambeau au Wisconsin, ou encore la mine de nickel Whistler au nord de Sudbury, les exemples de remblaiement de fosses sont nombreux et diversifiés. Même si la loi sur les mines a été modifiée en 1995, le gouvernement n'est pas à l'abri de la faillite d'une compagnie minière. En effet, les entreprises minières peuvent commencer à opérer sans avoir versé au gouvernement leur part, soit 70% dans ce cas-ci, des coûts de restauration des aires d'accumulation de résidus miniers. Le montant de la garantie est versé graduellement au gouvernement selon un échéancier de versement annuel en fonction des réserves prouvées et probables du gisement et de l'estimation du nombre d'années de production. Ceci revient à dire que bien que le gouvernement soit mieux protégé qu'avant, il arrive encore aujourd'hui que des nouveaux sites miniers soient abandonnés suite à une faillite et rétrocédés à l'État avec des garanties financières insuffisantes pour les restaurer. Dans son rapport 2008-2009 sur les interventions gouvernementales dans le secteur minier, le vérificateur général du Québec a d'ailleurs noté que la garantie financière censée couvrir 70% des coûts de restauration estimés comporte des limites compte tenu des modalités d'établissement et de versement des fonds. Au niveau des retombées économiques, il apparaît inconcevable que Malartic soit une ville dévitalisée malgré que 6 mines d'or y aient opéré par le passé. Les retombées socio-économiques qui émanent de l'activité minière semblent très faibles en activité médicament. Selon le vérificateur général du Québec, il est impossible d'établir de façon claire et objective si le Québec retire une compensation suffisante en contrepartie de l'exploitation de ses ressources minérales. Le gouvernement a souvent eu par le passé à dédommager et à aider les populations après l'arrêt d'activité minière, particulièrement dans les villes mono-industrielles. Puisque les activités minières sont cycliques, cette situation se présentera de nouveau et il faut prévoir dès maintenant des mesures d'aide pour le moment où la majorité des travailleurs de Malartic se retrouveront du jour au lendemain sans emploi. Dans son mémoire sur la stratégie minérale du Québec, le CRAF recommandait de créer un fonds de sécurité financé par les entreprises minières servant à couvrir les mesures d'aide aux collectivités. Le fonds Essor Malartic Cisco, la FEMO, vise notamment la diversification de la base économique de Malartic, est une initiative intéressante. Cependant, les versements qui sont prévus sont nettement insuffisants comparativement à l'envergure du projet, aux impacts négatifs projetés et aux compromis que devront faire les citoyens de Malartic. Le promoteur devrait bonifier les redevances car un fonds bien doté permettrait d'étendre sur une plus longue période des retombées positives du projet. Dans les mesures de sécurité, le dynamitage et les éclats de roche. Comme la fosse sera située très près de la ville, il n'y a pas de place à l'erreur en ce qui concerne le dynamitage. Les mesures de sécurité et les plans de dynamitage doivent être très efficaces. Le risque des projectiles atteignent le milieu habité n'est pas nul. À titre d'exemple, mentionnons que le cas de la mine à Célibat Signal d'Or, où un fragment de roche était tombé dans la cour d'un résident. En conclusion, compte tenu des problèmes soulevés dans ce mémoire, le Conseil régional d'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue recommande au BAP de rejeter le projet minier canadien de Malartic sous sa forme actuelle. Pour que le projet puisse être jugé acceptable par le Conseil régional d'environnement, le promoteur doit tenir un référendum sur l'approbation ou non par la population de Malartic du projet canadien de Malartic, réaliser une nouvelle étude d'impact afin de tenir compte des déménagements et des expropriations dans les impacts liés au projet, déposer des sommes d'argent suffisantes dans un compte en fiduciaire pour assurer que le déménagement des maisons et des institutions sera complété, peu importe que le projet démarre ou pas. Soumettre le projet aux Algonquins pour consultation avant son acceptation finale. Mettre en place des mesures afin de réduire au minimum l'émission de poussière et d'assurer un suivi environnemental des lacs et des rivières. Verser la totalité, donc 100%, des frais de restauration post-fermeture dans un fonds avant le début des activités d'exploitation. Cette garantie financière devra couvrir non seulement la restauration des parcs à risque du minier, mais la totalité des sites perturbés, incluant le tremblement de la fosse. Remplir la fosse de matériaux secs, des roches issues des halles à stériles, la fin des opérations et revégétaliser la superficie correspondante. Augmenter considérablement le montant du FEMO. Effectuer les dynamitages à une période fixe et installer des sismographes aux endroits sensibles, notamment dans les secteurs où se trouvent d'anciennes galeries. Merci beaucoup. Question plutôt générale, vous avez organisé un forum à la fin du mois. Ça? On l'a nommé débat à ciel ouvert, mais c'était une activité de réflexion, un début de cette réflexion. Moi, j'apprécie ça que vous me dites qu'est-ce qui en est ressorti en général et quelles sont les prochaines étapes. OK. Ce qui en est ressorti en général, on en fait part un peu dans notre mémoire. Bon, les gens, les citoyens étaient inquiets. Il y avait beaucoup d'animosité par rapport au dégagement. Les citoyens se sentaient un petit peu pris au dépourvu, devenaient instables, déstabilisés par rapport à ça. Et un autre aspect que je mentionnerais, c'est que les gens ne sont pas contre un développement minier. Les gens veulent savoir quoi la meilleure façon de faire. Et ce que je dirais, c'est que les gens se sont pas prononcés vraiment contre le développement minier, au contraire. Mais on s'est fait dire, parce qu'on pose des questions, on est souvent identifié contre les projets miniers. C'est pas vraiment le cas. Je sais pas si Simon, tu as d'autres choses à rajouter sur ce qui est ressorti de l'activité de réflexion. Oui, ben c'est que les mines à ciel ouvert en milieu urbain, c'est ce qui crée, je pense, le plus de... Qu'est-ce qui soulève le plus le débat? Parce que, bon, en milieu naturel, c'est différent. Il y a moins, il y a pas la population. Toute la cité, des risques, poussière, bruit, dynamitage, est moins à cause de l'éloignement de la population. Donc, c'est surtout, c'est ça, le milieu urbain qui soulève, finalement, le débat, là, présentement. Et les prochaines étapes? Puis, pour les étapes à venir, bon, on est un organisme administratif avec peu de moyens. On a organisé ça à la demande de différents groupes assez rapidement. On était très contents de la passion. Nous, notre action, on va continuer à essayer de faire en sorte qu'il y ait un débat sur le sujet en région. Est-ce qu'on va se lancer dans une autre activité de réflexion totale? On va collaborer avec la CRI, avec les autres organisations pour qu'il y ait vraiment un débat assez ouvert. Et on espère que c'est un dépôt éventuel d'une stratégie minérale également au Québec. Merci beaucoup, M. Lucas. Oui, j'avais une question, c'est inutile. À savoir, vous proposez la tenue d'un référendum avec une proportion de 2/3. Ma question, c'était, dans le processus où vous verriez ce référendum-là, à quelle étape du processus vous verriez le référendum? J'aurais tendance à dire qu'il aurait peut-être dû être fait avant qu'on arrive à l'étape qu'on est rendu ici, pour voir l'acceptation de la population. Là, ce qu'on sait, c'est que les responsables municipaux ont donné leur appui au projet, sont les représentants de la population, mais ça ne confirme pas quand même que la population serait... en totalité, en au moins aux 2/3 d'accord. Dans l'étape qu'on est rendu ici, étant donné qu'on est rendu trop tard, on ne peut pas le faire avant, moi je dirais qu'il faudrait qu'on le fasse, que ce soit fait avant que le gouvernement puisse recommander l'acceptation du projet. Je ne sais pas si Simon... Si... Oui, bon, on a dit 2/3, parce que souvent dans les conseils d'administration, les questions délicates sont souvent votées aux 2/3 des membres du conseil d'administration. On s'est dit que ça pourrait être un seuil... acceptable. Est-ce que vous ne considériez pas que un sondage scientifique organisé par une firme indépendante qui pourrait poser plusieurs questions permettrait d'avoir une meilleure idée de la pensée des gens que juste une réponse à oui ou non? Ça pourrait être une... Très intéressant, oui. On n'exclut pas les autres possibilités. Il faudrait qu'il y ait une meilleure consultation avant même le déménagement du projet. Dans votre recommandation 8, vous parlez d'un montant de 3 millions de dollars pour le FMO. Vous l'avez déterminé comment? Mais nous, c'est selon l'étude d'impact puis tous les détails sur le projet. Ce qu'on a compris, c'est que, on me corrigera si c'est faux, mais c'est que la compagnie a versé comme 3 millions pour les 5 premières années, puis ensuite a versé 150 000 par année pour les autres années, le reste le temps d'exploitation de la mine. Est-ce que c'est bien ça? La compagnie a versé l'équivalent de... Il y avait un montant d'action, puis il y a un 150 000 par année. Mais... Là, je n'ai vu des chiffres ces derniers temps. 300 000 actions. Puis le montant est-il très différent de celui qu'on a fixé dans notre mémoire? De l'ordre de combien? Ben, si je fixais 300 000 actions avec 150 000 par année, c'est pour ça que le 3 millions, mais c'était juste par curiosité. Ben, merci beaucoup. Je vous informe qu'il y a trois personnes qui ont demandé à faire une présentation verbale. Nous allons les accueillir et dans les règles de fonctionnement qu'on s'est fixées, évidemment, on se loue une dizaine de minutes pour discuter avec une présentation verbale. Donc, j'inviterai tout d'abord Madame Lavinie Cloutier. Bonjour madame, vous avez suivi assidûment les audiences et vous êtes accompagnée de votre petit garçon? Non, une petite fille. Qui est tranquille. Je l'espère. je souhaitais qu'elle dérange le moins possible les audiences d'AF, étant donné que c'est un processus assez rare et précieux dans dans la démocratie québécoise. Moi, je me présente comme étant une citoyenne de la Abitibi-Témiscamingue. Je suis technicienne en GIE. J'ai quitté la région il y a quelques années pour pouvoir continuer à travailler. Et puis, moi et mon chum, on avait bien hâte de revenir en région parce que comme il me disait, je me sens comme un lièvre asphalte. Fait qu'on habitait à Québec. J'ai habité à Montréal aussi, donc je me suis promenée dans différentes régions du Québec. Alors j'ai vu des problématiques différentes. J'ai travaillé un peu plus dans l'exploration minière, mais j'ai des notions de l'expérience aussi dans les mines. Moi, j'ai vraiment un sentiment d'appartenance à ma région et puis j'y crois, c'est ça que l'industrie minière, c'est un domaine cyclique et puis c'est de l'ordre international, c'est assez complexe. Juste pour vous donner une idée, environ 50% des compagnies minières internationales sont issues, les sièges sociaux sont au Canada, mais elles œuvrent partout sur la planète, donc... C'est ça, là. C'est vraiment global, la planète. C'est pas juste le Québec, le Canada. Et donc, moi, je suis vraiment, j'entends, bon, vu que c'est plus au niveau environnemental, moi, j'entendais parler des gens, tout ça, de parler de réglementation, tout ça. Moi, je prônerais plus, parce que je connais qu'il y a des règles, des règlements au Canada, des lois, des normes qui sont assez évoluées par rapport aux connaissances scientifiques actuelles. Ça évolue, on est plus dans les années 50. Donc, faut faire la juste part des choses. Tout n'est pas tout noir, tout blanc. Il y a des nuances à porter. C'est pas simple. C'est toujours du cas par cas. Moi, je prendrais beaucoup plus des normes environnementales internationales qui seraient beaucoup plus équitables et développement durable pour la planète en général, si on veut avoir une vision globale de la chose. Et donc, c'est ça pour ce point de vue-là. Puis aussi, je m'interroge sur les empreintes écologiques des produits qu'on nous, citoyens normaux, qu'on utilise tous les jours, versus des projets, des infrastructures plus grandes, par exemple les aéroports, des autoroutes, ou même un projet mini. C'est ça, pour faire les peser les pour et les contre, c'est pas évident. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus à faire les études d'empreintes écologiques, mais c'est en cours de recherche et d'élaboration. C'est intéressant, mais c'est fastidieux à ça. c'est ça. Puis ben je voulais ajouter que les mineurs actuellement là, ils travaillent en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et puis là, je peux comprendre dans le contexte politique que la situation financière de nos gouvernements, c'est pas toujours évident de faire des choix, tout ça. Puis il y a des ministères qui sont assez des besoins assez importants au niveau financier, exemple la santé ou l'éducation, donc qui sont des portefeuilles importants au gouvernement. Des fois, le ministère de l'Environnement est cop, malgré les belles lois dans divers domaines, ils sont pas toujours capables d'aller inspecter tout ça, donc de ça à la bonne foi des citoyens qui font des plaintes. C'est là qu'il y a des suivis rigoureux à ce moment-là qui sont faits en priorité, mais c'est pas évident là, mais les contrôles sont assez sévères, merci, là, puis il y a des tests à toutes les semaines qui doivent être pirés, puis de demander à des gens des expertises dans le domaine, puis vous allez constater que c'est pas n'importe quoi, là, s'ils ont des bibles, des trucs à remplir, là, périodiquement, là, je connais pas la séquence, mais c'est ça. Et puis, excusez-moi, je veux pas m'égarer dans mes notes. C'est sûr qu'on est une région ressource, puis c'est pas évident d'avoir la concentration au niveau de l'expertise, puis développement, parce que moi je veux pas m'égarer là, mais au niveau de la recherche et développement, au niveau de l'argent alloué à la recherche au niveau universitaire, une certaine indépendance, une certaine étude. Moi, à mon avis, pour avoir plus d'argent, pour justement nous faire avancer au niveau environnemental, puis trouver des alternatives pour justement essayer de résoudre des problématiques du passé. C'est sûr qu'on a un lourd passif environnemental et c'est quelque chose à gérer, puis est-ce que le gouvernement, nous les citoyens, les reins sont assez solides pour payer tout ça, la note est assez salée, et puis moi, à mon avis, ça nous prend le soutien de l'industrie actuelle et future. Et puis, c'est sûr que c'est plate pour cette entreprise-là de payer pour les dégâts du passé, mais bon, c'est un effort collectif qui doit être fait. Et puis, ben moi, à mon avis, je suis contente qu'une compagnie comme Cisco veut un petit peu recycler le vieux parc à résumé, puis que là, le matériel initial de la liste maladie était quand même d'une chimie relativement stable. C'était pas générateur, mais c'était comme des gisements un peu plus parmi de la région, comme la Doyon ou la Ronde. Puis que là, ça demande des investissements assez fastidieux là, pour contrôler là, les trucs générateurs d'acide. Donc, c'est ça. Puis chaque gisement est particulier, là, sa forme, son... Ça diffusion dans l'espace en body, puis c'est planant, etc. C'est un paramètre assez complexe à évaluer si ça va être acceptable ou pas. Donc, moi, je suis pas vraiment en accord avec cette date décide de tranche pour contre des mines sylvaires. C'est pas ici que ça devrait avoir lieu, là. Et puis, c'est plus un forum de discussion, un séminaire, je sais pas, avec des personnes d'expertise du domaine, avoir un truc éclairé, qui serait valable à ce niveau-là, mais pas dans le processus du bar. Parce que là, c'est actuellement axé pour le projet de SICO de la Canadienne Malartic. Faut mélanger les affaires, là. Et puis l'exploration minière, l'exploitation minière, c'est des domaines différents, malgré que c'est des chaînes en continu. Et bon, j'entendais des trucs, des fois je me rends compte, des fois il y a des méconnaissances de domaines miniers, justement j'invite les gens, s'ils veulent s'informer plus, la semaine minière à la fin du mois d'avril pour justement faire partager les connaissances du domaine minier au grand public. Moi, je me rends compte au niveau des lois et règlements de l'exploitation minière, domaine que je connais un peu plus. Les claims, là, c'est pas un droit acquis, là. Les gens, c'est comme une location au gouvernement. La surface appartient au propriétaire terrien. Mais le sous-sol appartient au gouvernement. C'est un claim, c'est une location. Il y a des droits et des devoirs avec ça. Donc, la personne ou la compagnie, la raison sociale, peu importe, doivent mettre des investissements aux 2 ans et un montant X, tout dépendant de la superficie, pour pouvoir garder un droit d'explorer. Ils doivent faire des travaux. Ils doivent émettre des rapports au gouvernement. C'est pas la bagatelle, là. Ils doivent investir de l'argent, là. Et c'est perdu, là. Et puis, trouver des mines, c'est très long. Environ un indice sur 1000 va peut-être devenir une mine un jour. Et puis, même des beaux projets, bon, on a vu, là, que la conjoncture économique, puis ça peut être sur la glace du jour au lendemain, là. Cet été, on l'a vu, là. Des projets qui ont carrément, là, cessé, là, pour une période indéterminée. Donc, c'est ça, je voulais comme amener un plus, là, pour éclaircir, là, puis je fais appel avec intelligence pour faire je fais confiance pour faire la part des choses dans tout ça, là, et puis moi, je suis une citoyenne, et puis je travaille, et je suis super écolo, j'essaye de profiter de ma région au maximum, et puis je suis revenue en région pour avoir une qualité de vie, parce que je sais c'est quoi la pollution, le bruit et tout, des grandes villes. Voilà. Un grand merci, madame. Maintenant, j'inviterai M. Clément de Fernand. Bonjour, M. le Président, M. le Commissaire. Je me présente Clément Bernard. OK. Moi, la scolarité, j'ai une 11e année scientifique. c'est l'équivalent d'un secondaire 4. Mais mon université, ça a été la vie. Comme plusieurs personnes en fin de malartique ici dans la salle, mes parents sont arrivés en 1944. Ils ont toujours demeuré dans le quartier sud. On était la quatrième maison du bout de la rue, disons, du bois qui nous avoisinait. Par ailleurs, ça fait 55 ans que je demeure ici et j'ai vécu 30 ans avec mes parents. Par la suite que je me suis marié, j'ai vécu 3 ans dans le quartier nord-ouest de Malartic pour revenir dans le quartier sud. Parce que mon quartier, c'était le sud. OK, à la mi-juin 2017, quand je changerai d'année, je vous le dirai. À la mi-juin 2007, on est convoqué à une séance de formation pour la rue de la paix à la salle des chevaliers de Colomb pour nous expliquer en quoi consistait le déménagement des maisons de la rue de la paix parce qu'on a été pris par après les autres rues, parce qu'il y en a qui ont demandé de déménager suite au projet. OK, on a fait un tour de table. On se présentait ce que nous voulions faire, si on était d'accord pour être localisé ou pas. Ma réponse, c'était que nous désirions demeurer à cet endroit. Une lettre datée du 30 juillet 2007 informe qu'il y aurait un processus de sondage entre le 2 et le 8 août. Le 8 août 2007, toujours, Mme Marie-Claude Lavoie se présente pour le sondage. Question sur les occupants et vers la fin du sondage, qu'est-ce qu'on voulait faire? Être localisé ou vendre à Osco? Je lui ai dit que j'avais une troisième proposition, demeurer sur place, car ma propriété était plus en retrait que l'église et le musée minier. Je demeure en biais avec ici. Aux alentours du 28 août, vers 4h30, l'après-midi, je reçois un appel téléphonique de la part de Mme Thibault, me demandant quel choix que j'irais faire, être localisé ou vendre ma propriété à Osco. Alors, je lui ai dit que je voulais demeurer au même endroit, et c'est alors qu'elle m'a répondu que j'étais pour être exproprié et qu'il n'avait pas de revenus. C'est à ce moment-là que le stress a débuté, et pas à peu près. Au mois de septembre, nous faisons une demande d'aide au maire du temps, M. Carpentier. Ma femme et moi, nous allons rencontrer le maire à l'hôtel de ville et nous lui donnons notre cas. Si on n'était pas obligé de déménager par rapport déménager notre propriété parce que d'une manière ou d'une autre pour la visualisation du monde, disons, des autos qui passeraient sur la rue Royale, qu'est-ce qu'ils verraient? Ils verraient une butte d'écran. Ça fait que je lui ai fait part de mes commentaires et il a trouvé ça très intéressant parce que là, on aurait vu un voisin, tout ça. Ça fait qu'il a été rencontrer les gens de Cisco, M. Goodwin en particulier, à Thaïs Malartic, car les bureaux étaient là. Et il m'est revenu pour me dire que qu'il avait été rencontré les gens de SCO et tout, mais il n'y avait aucune décision de prise là-dessus. Ça fait que, durant ce temps-là, j'ai reçu une lettre datée du 27 septembre que nous étions convoqués à nous rendre pour une première assignation de l'eau dans le nouveau quartier qui était à partir du 3 octobre 2007 de 14h à 16h au sud de l'église Saint-Martin. La réunion présidée par M. Goodwin, directeur de développement de la communauté, commence et présente l'ingénieur René du projet. L'ingénieur disait que c'était ce qui en était des sols et tout ce qui était par rapport avec son mandat. Et ensuite, l'urbaniste commence son discours et qu'il y avait au moins 10 propriétaires qui perdraient de la surface de terre. En disant cela, mon épouse me souffle l'oreille que cela commençait bien. À 2h30, je devais quitter parce que l'évaluateur que Cisco avait mandaté est venu prendre les données pour l'évaluation et après retourner voir le terrain qu'il nous avait assigné. Il y avait une maquette avec les terrains et chaque photo était sur l'emplacement sur la maquette. On regarde cela et après examen de tout ça, on s'informe à l'urbaniste des dimensions de la façade, de la profondeur, de la superficie, parce que le lot qui était, le lot était en pointe. Façade de 71,2 pieds de façade, 98,4 pieds de profondeur, et la superficie était de 1134 mètres carrés. Ce que j'ai comme superficie de terrain, comme c'est là, j'ai 15 151 pieds de superficie. Mais j'en perdais 2935 pieds carrés. Ça fait que moi, j'étais pas intéressé. Il y a un autre fait à préciser, ma demeure, elle a 64 pieds de long, 2 carrés, inclut le carport, j'ai 80 pieds de long. Et mon garage, je l'ai construit pour que, en sortant du carport, je puisse rentrer dans le garage. Et le garage dépasse de 16 pieds le carport. Ça fait déjà 96 pieds rentrés sur un terrain, sur une façade de terrain de 71 pieds. Vous conviendrez comme moi là, que ça ne rentre pas. OK. Vers le 17 octobre, je vais à Montréal et je contacte M. Ware, qui était président d'alors. Je le contacte chez lui pour expliquer mon cas et après la discussion, je lui demande d'en parler à M. Goodwin. Un mois plus tard, M. Goodwin et M. Carpentier viennent m'annoncer que j'étais épargné de la relocalisation. Dans la semaine suivant Noël, je reçois le résultat de l'évaluation qui était supposé de prendre 2 semaines, mais ça prit 3 mois. L'évaluation avait été faite le 3 octobre précédent. Le 4 janvier, le résultat du stress vécu s'est fait. Infarctus du myocarde, suivi d'un arrêt cardiaque à l'hôpital. Et transfert à l'ICM de Montréal, dilatation artérielle. Suite à cela, à un certain moment donné, j'ai dit à mon épouse qu'on n'avait aucune lettre de confirmation de SICO. Début février 2008, on prend rendez-vous avec M. Goodwin pour avoir une lettre de confirmation. M. Goodwin communiquerait avec le professeur juridique et dans une dizaine de jours, j'aurai une réponse. Trois mois plus tard, aucune réponse. Et 14 mois plus tard, aucune réponse. Je pense que cette date-ci, je n'en veux plus. Parce que ma vision face à la vie va changer du tout au tout. Parce que vaut mieux être pauvre et en santé que riche et malade. C'est cela que j'ai hérité du projet hospitalier et j'en aurais bien passé. En passant, je connais une autre personne qui a fait un infarctus suite à des négociations houleuses. Je voudrais... vous présenter une petite réflexion. On a demandé au Dalai Lama qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité. Il a répondu, les hommes. Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent. De telle sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, monsieur. OK, je voudrais vous faire part. J'ai, suite aux audiences, après que... la ville a déposé les résolutions suite au projet OSCO. Je m'ai aperçu en visionnant cela. Je clique sur l'année 2008. Par hasard, je commence à dérouler les résolutions. Oh! Je tombe sur une résolution qui faisait mention que... OK, d'autoriser M. Clément Bernard, propriétaire du 300 de Hochelaga, à être exclu du processus de relocalisation et de donner à cet endroit. De maintenir l'ouverture de la rue de la Paix pour la circulation résidentielle seulement et ce, jusqu'à la hauteur de l'avenue Hochelaga. Il ne m'en avait jamais dit un mot. Ça fait que c'est ce qui m'en découle de mon expérience. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Madame Liette, comment ça va? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur le président. Je m'appelle Liette Constant. Je suis native de l'Abitibi et je demeure à Malartic depuis déjà 49 ans. J'habite dans le quartier nord de Malartic, sur la rue Aricana, tout près du chemin de fer. Artiste multidisciplinaire, j'enseigne dans une petite école privée j'ai fondé il y a 20 ans. 19 ans avec une prématernelle et 10 ans en parallèle, 10 ans en art plastique avec les jeunes. Et aussi, je suis suppléante dans les écoles primaires. Une de mes grandes passions, c'est l'art paysager. Le terrain chez moi, c'est une petite forêt de type exotique. Maintenant, elle est mature depuis peu. Il a 20 ans. Ça pousse pas en claquant des doigts. Ça prend beaucoup d'attention, beaucoup de lecture. À partir de la fabrication d'un bon compost jusqu'aux besoins que chaque plante exige pour donner un bon rendement. Ça prend une bonne eau de pluie. Et quand c'est jeune, une plante, quelle qu'elle soit, ça prend de l'air, du bon air. Quand on veut que ça pousse vite et en santé. Je pense que vous voyez aller. Et ça, et c'est là que je me questionne à savoir comment la mine Osisko envisage la création d'une zone tampon, en tout cas j'utilise des anciennes expressions, qu'on imagine déjà comme un petit ruban de verdure, telle une forêt mangeuse exposée à de multiples intempéries. Je me questionne sérieusement, par exemple, et là, je m'explique. Mon terrain chez moi mesure 50 pieds par 150 pieds. Pour créer un microclimat, j'ai installé, c'est sûr avec de l'aide, une clôture et j'ai planté beaucoup de végétation. Et du côté est de la cour, j'ai fait aller à l'insu de l'hôtel de ville, j'espère qu'on n'en mentionnera pas rigueur, une palissade pour me protéger des activités voisines, qui est une personne que je respecte, mais qui, lui, s'intéresse beaucoup plus à la mécanique, le bruit du moteur, le gaz, etc. Alors, lorsqu'ils vendent, parce que des fois on pense posséder la vérité, alors, moi, je pensais que je l'avais, là. La majorité des plantes poussaient bien, les arbres et tout. Mais lorsqu'il y avait des grands vents, et encore aujourd'hui quand même, là, même si le jardin est adulte, lorsqu'il y a des grands vents, le processus qui se passe, c'est que ça crée des tourbillons. Et ces tourbillons-là viennent casser les branches des jeunes arbres. Alors, il faut se remettre au boulot, il faut replanter, il faut déterrer un peu les planches de clôture, etc. Quand la ville refait, c'est juste pour que, c'est comme, je vous présente ça un petit peu comme une maquette, parce que le projet SICO, quand on le regarde sur des photos et tout ça, ça me fait penser vraiment à une maquette. Alors, quand la ville refait le système d'égout sur ma rue, ça a été, je vous jure, un été infernal. Cet été-là, les feuilles ont été pleines de poussière. Cette année-là, le jardin avait l'air d'un paysage d'après-guerre. On a eu de la sécheresse, beaucoup de soleil et beaucoup de vent. C'était vraiment d'une tristesse indescriptible. Comment la mine Osisko, avec l'ampleur d'un tel bouleversement sur la planète, peut-il oser nous laisser croire qu'après son départ, il y aura une forêt et un beau lac, etc., etc. J'ai de la misère à croire qu'ils sont naïfs. J'ai de la difficulté à imaginer qu'ils croient en la magie. Alors, quand conclut-il, j'en conclus qu'il s'agit sûrement pour l'amour de l'appât du gain. C'est comme on nous a appris ça à la petite école, on peut s'imaginer que c'est juste pour ça. Je vais être assez brève, ça achève. Les enfants aiment la nature, du moins les enfants de chez nous. Quand ils viennent dans mon jardin, et puis il n'y en a pas assez des enfants depuis toutes ces années-là, ils sont émerveillés. Ça respire le bonheur. La faune, la flore et l'enfance, ça se tient par la main. L'enfance est une philosophie. Ça me prit presque 20 ans pour l'apprendre. Et l'enfance est une philosophie. Je viens ici aujourd'hui, messieurs les commissaires, pour les représenter. Représenter leur candeur. Pour vous demander de porter une attention toute particulière, une attention raffinée et délicate à leurs conditions de vie présentes et futures. Qu'est-ce que on leur lègue à nos enfants. Et là, c'est sûr, je suis d'accord avec les intervenants d'avant, surtout la jeune dame avec son petit-enfant. Qu'est-ce qu'on leur lègue à nos enfants? C'est une question très pertinente. Avant, j'étais tellement fière de dire, parce que ça fait longtemps que je suis à Malartic, puis, entre guillemets, j'ai tripé autour de Malartic. J'étais tellement fière de dire, nous autres, chez nous, à Malartic, ce qui est le fun, c'est qu'à 5 minutes de notre maison, on peut même le faire à pied, on peut se retrouver dans le bourg. Fait qu'on peut imaginer les enfants de Malartic sont habitués à ce type de vie-là, à aller exploiter la forêt, à construire des petits camps. Au début, je dois vous avouer que quand j'ai entendu parler du projet de Cisco, ça a été plus fort que moi, peut-être un instinct, je suis une fille qui vit la simplicité volontaire depuis toujours, mais ça a été plus fort que moi. Dans ma tête, je me frottais les mains et je me disais, l'évaluation de ma maison va monter. C'est super, que le goût d'aller passer un petit bout de temps à la campagne, je vais pouvoir vendre ma maison à bon prix. Et quand on nous a présenté sur un plateau d'argent, une dinde, j'ai failli tomber dans le panneau, je vous dis. Je suis allée chercher la dinde parce que je me suis dit, c'est une énergie, je vais aller la chercher. J'ai fait des bons pâtés avec cette dinde-là. Ça fait loufoque comme ça, mais c'est très important. Alors, ma dinde, je l'ai fait cuire, j'ai fait des pâtés, et aujourd'hui, j'ai encore de la digérer, cette dinde-là. Alors, quand on nous présente un des clients que j'ai reçu, que tout le monde a dû recevoir ici à Malartic, a Cisco grandir dans une école à la fine pointe des technologies, et que je vois la photo de deux enfants, deux beaux jeunes enfants avec le sourire, la première question, c'est pas des visages que je connais, des enfants de Malartic, est-ce des enfants de Malartic qui sont heureux de se retrouver dans la future école hautement technologie ça. Et ces enfants-là, ça pourrait être les miens, mes petits-enfants, ça pourrait être les vôtres. Dans une école, oui, c'est hautement technologique, et en tout cas, j'ai tout vu ça, c'est très beau, mais dans 10 ans, est-ce que ces mêmes enfants-là auront le même sourire et le même sein rosé qu'on nous présente ici présentement? Est-ce que ces enfants-là, s'ils auraient vu hier soir ce que le Parti Québec solidaire a présenté avec les images, la tour Eiffel dans le trou, et les trois chutes Niagara qui rentrent dans cet espace-là, et en tout cas, tout ce qui nous a été montré, moi-même, là, j'ai été vraiment surprise, parce qu'on a besoin d'images, quand même, beaucoup de personnes qui sont visuelles, on a besoin de voir. Alors, la question, d'accord, ma conclusion. Cependant, je dois vous dire que je suis contre la mienne à ciel ouvert. Par contre, j'ose croire à une alternative aussi utopique que le projet Cisco, donc la mienne à ciel ouvert. On parle d'investissement à très, très long terme. Premièrement, mine sous terre. Mine, ça n'a pas d'affaire d'être ouvert comme ça, c'est pas vrai. Faire de Malartic une ville forêt. C'est-à-dire, quand on prend, il faut redonner. Travailler à la conception, la réalisation, avec la collaboration des organismes écologiques. Je voudrais donner comme exemple la forêt de demain, qui font de la monoculture, de la plantation. Tu vas retrouver des plantations, je sais que j'en ai vu, je suis une tripeuse de bois, des plantations de pin gris dans de la fonte. Ça ne pousse pas dans de la fonte. Ça va prendre une éternité, c'est des bonnes veilles qui poussent là. Alors, avec la collaboration des organismes écologiques, puis pas de monoculture, malartique, villégiature, lieu protégé rigoureusement, c'est le bord du dîner. C'est aussi réalisable qu'un trou béant. Quand on prend, il faut laisser le retour. Merci beaucoup, madame. Je remercie tout le monde. Ça met fin à notre 4e session. On reprend dans exactement 18 minutes. Je vous remercie beaucoup. Parce qu'on commence à 13 heures.